Cette nuit, on parle de 3 à 5 litres d'eau par mètre carré. Les minima resteront compris entre 8 et 10 degrés. Cette zone de pluie pourrait encore un petit peu traîner samedi matin. Puis il fera à nouveau sec l'après-midi. Ça c'est bien, on aime bien des nouvelles comme ça. Le vent passe au sud et on notera des maxima de 11 à localement 16 degrés. Dimanche, plutôt beau, plutôt ensoleillé et doux. Agrémenté de maxima de 16 à 19, voire localement 20 degrés. C'est peut-être même un retour de l'été en plein automne. Il est 17h. Voici les titres de votre journal. La Wallonie dit non, non au traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Décision saluée par les syndicats, les associations de défense de l'environnement aussi, mais critiquée par le patronat. Les 1000 travailleurs de la FN Herstal se croisent les bras. Ils estiment que la direction produit beaucoup trop dans les filiales américaines du groupe et pas assez dans son usine wallonne. Faut-il changer les règles du congé de maternité et faire en sorte que les congés pris avant l'accouchement ne soient plus décomptés des 15 semaines légales? Une jeune maman de Harlon a lancé une pétition sur le net. Nous verrons ce qu'en pensent les médecins. On appelle une gynécologue dans ce journal. Chaud, chaud, très chaud à Doha, au championnat du monde de cyclisme du Qatar. Le médecin de l'équipe belge fait des tests. Il prend des mesures pour éviter les accidents dans ses coureurs. Vous rêvez d'aller voir Danny Boone au cinéma dans son film Radin, mais le prix du ticket vous chipote. Honteux. Ce sont des prix exorbitants et... Je trouve ça cher, a priori, pour une place comme ça. Voilà, je trouve cher. Oui, sur le coup, vous n'êtes pas radin. Le prix du ticket a augmenté beaucoup plus vite que le prix de la vie ces 10 dernières années. C'est l'heure du journal sur Vivacité avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Non, c'est non. La région wallonne ne donnera pas son feu vert pour les accords commerciaux et économiques du CETA. Oui, les accords économiques et commerciaux avec le Canada, la Wallonie n'en veut pas. Le débat ce matin entre les députés a tourné à l'avantage de la majorité et le ministre-président socialiste Paul Magnette a donné l'estocade. Ce sera non côté wallon et la Belgique ne pourra donc pas ratifier ces accords. Ces accords-là, en tout cas, Rudy Hermans. Pratiquement isolé au sein du Parlement wallon, le MR a vainement tenté de convaincre les opposants au CETA, Pierre-Yves Géolet et Virginie de Franfirquet. Voyons tous les avantages de ce traité avec un pays ami plutôt que les quelques imperfections de ce traité. Vous minimalisez l'impact politique et diplomatique sur nos relations avec nos amis canadiens, mais aussi avec nos partenaires européens. Vous allez isoler la Wallonie au cœur du vieux continent. Vous allez transformer la Wallonie en un Cuba de l'Europe. Mais sans surprise, ces arguments n'ont pas fait mouche. PS, CDH, Écolo et PTB sont restés farouchement opposés à ce projet d'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Des partis qui demandent au gouvernement wallon de bloquer ce texte. Le ministre-président Paul Magnette en était d'ailleurs déjà convaincu. Il n'est pas contre le CETA par principe, mais contre ce CETA dans sa formule actuelle. Nous devons dire non pour négocier. Non pas non pour tous aborder, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais non pour créer un rapport de force qui nous permette d'obtenir plus de normes sociales, plus de normes environnementales, plus de clauses de respect des services publics. Le gouvernement wallon va donc à présent se tourner vers le gouvernement fédéral et ne pas lui donner les pleins pouvoirs pour la ratification du CETA. En d'autres termes, la Belgique va rejeter le texte actuel et du coup empêcher son entrée en vigueur en Europe. Nul doute qu'on n'a pas fini d'en parler. Les agriculteurs venus manifester leur inquiétude ce matin auront sans doute été rassurés par l'attitude de la région. Les syndicats, l'association CNCD 11-11-11 et Greenpeace ont parlé d'un choix courageux de la région. Moins d'enthousiasme, on l'imagine, côté patronat qui juge le vote wallon irresponsable. Côté fédéral, on ne parle pas trop du CETA pour l'instant, puisqu'il est question surtout de budget et de réforme. Il faut recoller les morceaux entre les différents partenaires de la majorité, et ce n'est pas gagné pour Charles Michel. Une réunion est en cours au 16 rue de la Loi depuis 11h. Rien ne filtre. Arrêt de travail à la FN Herstal en province de Liège. Oui, les 1000 travailleurs ont débrayé ce matin. Ils ne travaillent pas assez. On fabrique trop, en fait, dans les filiales américaines de la FN et pas assez en Wallonie. Martial Giou. En avril dernier, les travailleurs de la FNR Stahl s'étaient déjà mis en grève. Ils avaient fini par obtenir un accord avec la direction, le président du conseil d'administration et la région Wallonne, l'unique actionnaire du groupe d'armement. L'organisation de travail devait être revue dans le but d'améliorer la gestion du potentiel des ateliers de la FN à Herstal et d'augmenter la charge de travail au sein de ceux-ci avant de recourir à l'externalisation, donc aux filiales, aux États-Unis notamment. Il était également prévu de tirer un bilan au bout de 6 mois, ce qui vient d'être fait. Gianni Angelucci, le porte-parole du Front commun CNE-7K-CSCFGTB. Nous sommes au bilan qui est catastrophique. Est-ce qu'on va arriver à des licenciements massifs ? À l'heure actuelle, non, on ne pense pas ça. Par contre, s'ils ne réagissent pas à terme, c'est une éventualité très grande. Après avoir pris connaissance de ce constat en Assemblée Générale, les travailleurs de la FNR Stahl ont donc décidé de fermer l'usine ce vendredi. Ils doivent reprendre le travail lundi, mais ils ont annoncé qu'ils empêcheraient l'entrée sur le site des membres de la direction et que ceux-ci ne pourront à nouveau y accéder que lorsqu'ils auront apporté des mesures concrètes. Martial Gio avec Barbara Schall. 18 ans de prison pour Yael Frenke, celui qu'on avait appelé le vitrioleur dans L'homme de 41 ans avait attaqué à l'acide une femme de ménage du magasin de l'Est. C'était en février 2015. Il écope donc de 18 ans de prison, plus 10 ans de mise à disposition du gouvernement, ce qui signifie qu'il ne pourra pas sortir de prison plus tôt que prévu. Il devra aussi verser près de 500 000 euros de dédommagement à sa victime. Marina Thyssen est soulagée. Il a écopé de 18 ans de prison, plus 10 ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines. Je suis contente, même si c'est moins que les 20 ans requis par le parquet. Oui, je suis quand même contente. Maintenant, je pense continuer ma vie et laisser cette épreuve derrière moi. Il faut que j'aille de l'avant. Mais c'est toujours difficile sur les plans émotionnels. Ma famille est là pour me soutenir. Marina Thyssen, la victime du vitrioleur d'Anvers, avec Françoise Berlémont. Faut-il tout changer concernant les congés de maternité ? Le sujet fait débat en ce moment. Les libéraux flamands proposent de partager une partie du congé entre le père et la mère. Une maman d'Arlon, elle, lance une pétition. Elle s'appelle Valérie, elle a une grossesse à risque, elle a donc dû s'arrêter longtemps avant la naissance. Et donc les 6 dernières semaines avant la naissance ont été comptabilisées dans son congé de maternité. Elle n'a eu droit qu'à 9 semaines de congé après la naissance. Sa pétition, chaque nouveau-né doit pouvoir bénéficier du même temps avec sa maman. Cette pétition a déjà été signée 13 000 fois. Avec nous, Sophie Alexander, gynécologue et professeure à l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc je suis très contente que vous m'ayez appelé à ce sujet parce que moi, personnellement, c'est un sujet pour lequel on a déjà travaillé en tant que conseiller de l'ONE avec notamment une commission sénatoriale qui s'occupait de ce genre de problème. On a amélioré certains aspects, notamment les aspects pour les prématurés et les jumeaux. Oui, parce qu'avant un prématuré... Avant les prématurés, s'ils restaient longtemps à l'hôpital, la maman avait écoulé tout son congé de maternité au moment où ils pouvaient rentrer chez eux. Donc ça a été résolu. Par contre, la problématique complètement ridicule qui fait que même si c'est la maman qui est malade, même pas pour une raison obstétricale, si elle a le bras cassé par exemple, Si elle casse son bras à 8 mois de grossesse, elle va perdre 4 semaines qui vont être ponctionnées sur son congé. Et donc nous, la logique qu'on avait mise dans notre commission, c'était de dire qu'il fallait un congé maternel qui au maximum devait être peut-être de 4 semaines et qui était même vrai pour les mamans qui avaient un enfant qu'elles venaient adopter. Et par contre, il fallait un congé d'accueil de l'enfant. Et nous, on avait imaginé qu'il soit de 15 semaines. Alors physiquement, vous dites, une femme pour qui ça s'est bien passé, en 3 semaines, 1 mois, elle est remise de son accouchement. Mais elle ne doit pas s'occuper de son bébé, oui, je pense que ça, c'est vrai. Alors après, par contre, il y a l'arrivée d'un bébé dans une famille, et ça change complètement la donne, et ça mérite quand même quelques semaines de remise en état. Toujours dans les mêmes choses qu'on avait obtenues quand on avait fait notre commission sénatoriale, à l'époque, il n'y avait pas de congé d'accueil pour les bébés adoptés, et on a quand même obtenu qu'ils aient, je pense que c'est 8 semaines, mais on a obtenu qu'il y ait un congé formel pour la famille dans laquelle entre un bébé, même si la mère ne l'avait pas porté. Donc l'idée de base pour moi, c'est qu'il faut dissocier le concept de l'accouchement. congé maternité et congé enfant. Après, je ne suis pas capable de dire quel est le congé enfant idéal minimal. Moi, je dirais 15 semaines, mais je peux me tromper. Mais ça n'a pas de sens de pénaliser les mères en amont. Merci Sophie Alexander, gynécologue et professeure à l'ULB. On sent que vous êtes concernée par ce sujet. 3 600 000 tonnes de nourriture volent chaque année à la poubelle en Belgique. Oui, c'est difficile à croire, mais ce sont pourtant les vrais chiffres. Un tiers des surfaces agricoles dans le monde produisent des céréales qui ne seront au final jamais consommées. Le gaspillage alimentaire, il faut que ça cesse. C'est l'objectif des Regal Days, 3 journées d'action dans les grands magasins, dans les restos, pour réduire en fait la taille des poubelles. Carlo Di Antonio est le ministre wallon de l'Environnement. Il le rappelle, nous ne sommes pas en Wallonie de bons élèves. Ah, on n'est pas à meilleure enseigne que l'ensemble du monde. Il y a aussi chez nous du gaspillage sur les champs, du gaspillage dès qu'on transporte ces produits. Il y a du gaspillage aussi sur la manière dont on les voit, donc une pomme avec une petite tache ou quelque chose, ou un fruit ou un légume difforme est rapidement écarté des étalages. Il y a du gaspillage dans les magasins avec les dates de péremption et s'il n'y a pas une bonne articulation avec des opérateurs sociaux type banque alimentaire, les aliments ne peuvent pas être récupérés. Et il y a aussi entre 15 et 20 kilos par ménage et par an qui sont gaspillés dans les frigos pour les mêmes raisons, date de péremption ou des repas qui sont préparés, pas complètement consommés, qui ne sont pas récupérés dans les jours qui suivent. Et donc on estime que l'enjeu, c'est de l'ordre de 300 euros par ménage d'aliments qui sont jetés alors qu'ils pourraient contribuer à nourrir toute la famille. Carlo Di Antonio avec Julie Buron. Et l'objectif des Regal Days, c'est de réduire de 30% le gaspillage alimentaire à tous les échelons de la chaîne d'ici 2025. 2016 est une mauvaise année pour la récolte de raisins, mais 2015 en revanche était un excellent cru, plus 46% en 2015 par rapport à l'année d'avant. La production de vin a été multipliée par 5 en 10 ans dans notre pays. La Belgique a produit plus d'1 million de litres de vin l'an dernier, en tête d'affiche, les vins mousseux. En France, toujours des intempéries et même une mini-tornade en Corse. Oui, un chapiteau de cirque s'est envolé à Ajaccio. Il a renversé un smirmorque. 23 adultes sont blessés. Les 350 enfants qui assistaient au spectacle sont sains et saufs. Ils ont été pris en charge dans un hôpital. Et puis l'Hérault reste en vigilance rouge jusqu'à ce soir. Dans ce département, les écoles sont fermées à cause des fortes pluies et des vents violents. 32 degrés au Qatar, ça change. Le jour se couche et les championnats du monde de cyclisme épuise les troupes. Oui, vous avez peut-être vu cette image d'Enzo Waters, espoir belge, étalé de tout son long, suffocant de chaleur à l'issue de la course des moins de 23 ans. Hier, la Fédération belge de cyclisme tente de mettre en place des techniques pour que les coureurs ne souffrent pas trop. Samuel Grulois en a parlé au médecin de la délégation belge, Chris Van der Meeren. Nous avons fait des tests de chaleur pour évaluer comment réagissait chaque coureur à de tels efforts. Nous avons contrôlé la tension artérielle, la sudation, les pertes en sels minéraux. Plusieurs coureurs ont participé à des séances d'entraînement à la Bacala Academy de la KUL à Louvain, dans un laboratoire climatisé qui reproduit les conditions du Qatar. Nous avons ainsi pu évaluer exactement les quantités de boissons et de nourriture nécessaires pour la course. Certains comparent ce mondial avec le Tour d'Espagne où il fait aussi très chaud, mais à la Vuelta, il n'y a que les pros habitués à cette chaleur, alors qu'ici, il y a de jeunes coureurs de moins de 18 ans, c'est plus délicat pour eux, et puis le niveau d'un championnat du monde est bien plus élevé. Au tournoi de Shanghai en tennis, Andy Murray a eu raison de David Goffin en quart de finale 6-2, 6-2 pour l'Écossais. Et puis en foot, match avancé en D1, ce soir Charleroi reçoit Bruges. C'est pour ça la tenue aujourd'hui ? Pourquoi ? Vous êtes habillé en supporter Carole. Ah c'est vrai, je suis supporter en zèbre. Supporter des zèbres, vous êtes en zèbre. Miss Peregrine, Bridget Jones, L'Odyssée, ces trois films que vous rêvez peut-être d'aller voir au cinéma. Et ce qui vous retient, c'est peut-être le prix du ticket. Oui, c'est de plus en plus cher. Presque 11 euros le ticket dans certains gros complexes. Alors évidemment, le coût de la vie augmente tous les ans, mais le prix du cinéma, lui, augmente encore plus vite. Toute proportion gardée, le cinéma, c'est plus cher qu'il y a 10 ans, Simon Bourgeois. Oui, en 2006, prix d'un ticket 6 euros. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est quasiment 9 euros en moyenne. Pour plus de la moitié des Belges, c'est trop cher. Un constat pas très compliqué à vérifier devant ce cinéma bruxellois. En gros, tout le monde se plaint du prix, mais en attendant, les gens aiment toujours y venir. Oui, je pense que ça vaut le coup. Il y a tellement de bons films et on les voit dans des bien meilleures conditions au cinéma que chez soi. C'est un plaisir de venir ici. C'est une sortie agréable entre copines, avec son copain, voilà, ça peut être chouette. Étant jeune travailleuse, je trouve ça super cher, alors qu'on pourrait les télécharger finalement ces films. Mais vous continuez quand même de venir. Oui, mais c'est Bridget Jones, c'est différent. Voilà plein de bonnes raisons pour quand même y aller au cinéma malgré le prix. Des prix en augmentation surtout dans les gros complexes Kinépolis et UGC. Ils ont beaucoup de salles en Belgique et ce sont eux qui tirent les prix vers le haut. Mais il existe quand même encore des petits cinémas de quartier à 5 ou 6 euros. Alors voilà pour le constat, mais les causes maintenant, Simon. Pourquoi c'est si cher et pourquoi ça a augmenté si vite le prix du Cinoche? La concurrence d'Internet, d'abord. Pour faire face, les cinémas doivent proposer mieux que le téléchargement ou bien la télé à la demande. La plupart ont donc investi des projections digitales, la 3D, des salles plus confortables, des gros bâtiments qu'il faut entretenir. Tout ça coûte cher et puis surtout, pour Jan Stalens, le directeur d'un gros cinéma à Mons, il y a les taxes. C'est des taxes qui, unilatéralement, peuvent être demandées par les villes. Et notamment, les cinémas sont lourdement touchés. Hein. À Mons, par exemple, nous, on paye presque 10% en taxes. Sur un ticket de 9 euros, il y a pratiquement 1,5 euro qui va directement à la ville. C'est trop ? Là, oui. Surtout s'il n'y a pas de retour, en quelque sorte. Moins de subsides communaux, par exemple, ces dernières années. Voilà donc la technologie qui évolue, nos habitudes qui changent, la concentration des salles aux mains des gros groupes et puis les taxes. Tout a bien changé ces dernières années dans le monde du cinéma. Les prix aussi. Coupé, Simon. Coupé. C'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, Manu ou Simon ? Ah ben moi, c'est La fille inconnue des frères Dardenne. D'accord, c'était bien ? Vous avez passé un bon moment ? Ouais. D'accord, ben n'allez pas voir Radin, vous passerez pas un bon moment. Bon, ça c'est enfin, dit. Enfin, quoique, ça dépend. C'est dit. Vous l'avez vu, Simon, ça, Radin ? Non, mais la bande-annonce m'a pas donné plus envie que ça. Eh ben, de toute façon, vous avez tout dans la bande-annonce. Tout ce qui est drôle est dans la bande-annonce. C'est déjà ça, si on Et puis sinon, il y a une histoire derrière. Mais l'histoire, voilà, elle est sympa, mais déjà vue, quoi. C'était la critique ciné du 5 à 7. il est l'heure de partir sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. On va le faire dans un instant. Allez, on va faire ça dans quelques minutes. Bougez pas. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. On fera un point sur vos conditions de circulation dans un instant, ne bougez pas. 17h17, nouveau 5 à 7 qui démarre. Si vous arrivez à l'instant, ben soyez les bienvenus. Vous allez pouvoir repartir avec des beaux cadeaux aujourd'hui. Pour la dernière fois à l'occasion de la semaine de la mobilité, pas du tout, du commerce équitable, vous allez pouvoir repartir grâce à la coopération belge au développement avec votre paire de boucles d'oreilles en or équitable d'une valeur de 650 euros. Ça, c'est du beau cadeau. Je vous poserai la question qui vous permet de repartir avec ces magnifiques bijoux dans un instant. On va parler d'une présentation de BMW aujourd'hui. BMW a présenté la moto du futur. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, la moto restera toujours sur ses deux roues. Et le constructeur dit, c'est génial, puisque grâce à cette moto, vous ne devrez plus porter de casque. Alors, on verra si c'est un message qui est fort apprécié par l'IBSR qui se bat tout au long de l'année pour la sécurité routière. On y revient dans quelques minutes sur Vivacité. On ira à Doha tout à l'heure. Manu, vous le disiez dans le journal, il fait très très chaud. Les coureurs cyclistes ont un petit peu de mal. Samuel Grulois est sur place et il nous donnera la température, sans mauvais jeu de mots, dans un instant sur Vivacité. Tout à l'heure, on parlera de week-end Wallonie Bienvenue. C'est ce week-end, vous avez l'occasion de découvrir peut-être des métiers autour de chez vous que vous ne connaissez pas. C'est peut-être l'occasion de découvrir des villages aussi, faire un petit peu de route pour aller découvrir notre belle Wallonie. On y revient, il y aura aussi l'image du jour avec Ophélie Fontana. Et alors, je vais vous dire aussi un truc, c'est que dans une semaine, pile poil, à cette heure-ci, vous savez qui sera assis, peut-être à votre place, Manu ? Je vais le savoir, vous allez me le dire là. Alors vous n'êtes pas viré, hein, ça je vous le dis tout de suite. J'ai eu peur. Quand je dis votre place, c'est dans ce studio. Je vais la lui céder quoi. Écoutez celui qui sera vendredi prochain à la même heure. L'invité du 5 à 7, c'est M. Pokora. Cette année-là. Et ça c'est Claude François ça. Pour la première fois, le public ne me connaissait pas. Dans une semaine tout pile, il sera là. C'est dingue ça quand même. Mais j'y serai aussi, alors je reste. Ah ben oui, restez. Il va me faire une petite place. Vous l'aimez bien, Pokora ? Pourquoi pas. Musique ou physique ? Plutôt musique, plutôt on va musique, dire. C'est pas votre style, les petits blonds, alors. S'il a fait une belle colo, maintenant. Mais là, c'est Claude François que j'entends, non ? Oui, mais c'est M. Pokora qui reprend Claude François. C'est le concept de son nouvel album dont on y vous parlera dans une semaine. Et puis, on aura aussi lundi une autre invitée, une artiste qui cartonne dans le monde entier en ce moment. Elle s'appelle LP.

Oui, certes, cette moto est ce qu'on appelle auto-équilibrée, à savoir que vous ne pouvez pas tomber de par vous-même, mais il n'empêche, vous pouvez très bien être arrêté, par exemple, au feu rouge et être heurté par l'arrière par une voiture qui ne vous a pas vu. Et là, vous allez quand même valser au sol. Et alors, je pense qu'il vaudra mieux alors porter le casque. Et d'ailleurs, tous les motards en sont convaincus, puisqu'il n'y a pas de problème de non-port du casque en moto à Belgique. Je crois que pratiquement 99,99% des motards le portent. Ça, c'est une deuxième chose. Parfois, c'est sur les accompagnants, sur les passagers, c'est pas toujours le cas là. Oui, mais de manière générale, c'est pas ça le gros problème des motards en Belgique. Et alors une troisième chose, c'est que le casque vous sert évidemment lorsque vous tombez, mais il sert aussi à protéger contre, par exemple, des projections de gravier, etc. Aussi, ouais. Et donc, le casque restera utile, et donc je vois très mal en 2030 faire de la moto sans casque. Bon, bah alors, ce projet-là, en tout cas, sans casque, on le verra pas sur nos routes en Belgique, mais globalement, ça peut être intéressant pour la sécurité des motards. Aujourd'hui, les accidents sont dus à quoi? C'est la perte de l'équilibre de la moto? Oui, ça, c'est vrai que ça peut être très intéressant parce que la première cause d'accident des motards, c'est une perte de contrôle. Par exemple, le motard va trop vite dans un virage ou ne sait pas réagir correctement dans une situation d'urgence. Et donc, dans ce cadre-là, c'est évident qu'avoir une moto qui est auto-équilibrée, donc une moto qui ne peut pas perdre l'équilibre, c'est évidemment très, très intéressant. Et donc là, c'est un véritable plus pour la sécurité routière, c'est indéniable. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, avec cette sécurité et ce sentiment où il ne peut rien se passer, ben justement de faire encore moins attention sur la route? C'est pas un danger quand plus on automatise les choses? Je ne pense pas que le motard ne fera plus attention à rien. Encore une fois, il risque d'être heurté par une voiture qui ne l'a pas vue parce qu'elle change de bande et que le conducteur est au GSM ou ce genre de choses. Donc certes, le motard ne risque pas de perdre le contrôle de son véhicule, restera sur sa moto, mais il subsiste toute une série d'événements qui peuvent se produire sur la route et donc il a tout intérêt évidemment à rester concentré à 100%. D'accord. Benoît, vous avez déjà quelque chose dans votre agenda en 2030 ? En 2030, non, je serai proche de la retraite, mais non, j'ai encore rien. D'accord, fixons déjà le rendez-vous, on se reparle pour voir le jour où cette moto sort, puisqu'il ne l'annonce pas avant 2030. Donc, on fixe le rendez-vous. Ok, à mon avis, elle coûtera plus cher qu'une place de cinéma. Il y a des chances, oui. Merci beaucoup, Benoît, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. Au revoir. Le cinéma, on en parlait il y a un instant d'ailleurs, avec ces places qui sont de plus en plus chères au cinéma. Dites-moi par SMS au 3063, c'est pas prévu, mais dites-moi le dernier film que vous avez vu, et on va partager vos impressions sur les films cet après-midi. Qu'est-ce qu'il faut aller voir au cinéma en ce moment? 3063 par SMS, c'est 50 centimes le message, ou je vous attends sur la page Facebook aussi. 5 à 7, Vivacité, RTBF. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Centre pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after-party par les soirées Love. Prévente, ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. On m'avait dit, toi tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Ouais, je pense quand même que cette garde-robe va être trop grande. C'est quoi déjà les dimensions de ta chambre? Bah attends, Vanessa me les a envoyées par SMS. Alors, largeur 8 pieds et demi, hauteur 5 pieds. Ah oui, et ça fait combien en centimètres ça? Bah je sais pas, c'est ses pieds quoi. Ah c'est vraiment ses pieds? Ah oui, ok. On la prend quand même? Oui, on va prendre quand même, oui. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Le nouveau lave-linge d'AEG, équipé de la technologie Ecomix, mélange d'abord votre détergent et votre adoucissant avec de l'eau pour laver et protéger chaque fibre. Recevez maintenant un bon cadeau de 100 € chez Ici Paris XL à l'achat d'un lave-linge AEG. Vivacité présente. Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Il y a une grande différence entre un véhicule pour son job et le nouveau Volkswagen Amarok qui fait le job. Pour transporter du matériel de chantier, il fait le job. Pour montrer à son voisin ce que c'est que d'avoir de la reprise, il fait le job. Pour grimper une dune de 22 mètres, il fait le job. Venez essayer le nouvel Amarok et son moteur V6 chez votre concessionnaire Volkswagen Utilitaire. Vivacité et la Une présente Amadeus. Une intrigue palpitante qui raconte la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, une œuvre magistrale au succès éclatant. Au Théâtre des Galeries du 26 octobre au 20 novembre. 02 512 0407 ou trg.be. Avec le Vif l'Express et le soir. Il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. La région wallonne ne veut pas du traité commercial entre le Canada et l'Europe, le fameux CETA. Paul Magnette, le ministre-président wallon, a dit qu'il ne donnerait pas son feu vert au gouvernement fédéral pour ratifier cet accord. Les associations de défense de l'environnement, les syndicats applaudissent des deux mains. Le patronat lui parle de décision irresponsable. Le gouvernement fédéral doit pester lui aussi, mais il a d'autres sujets de préoccupation en ce moment. Charles Michel tente de trouver un accord pour le budget et les réformes structurelles qui vont permettre de réguler les entrées et les sorties. Une réunion a commencé à 11h. A priori, elle est toujours en cours. Dans l'info aussi, cette grève à la FN à Herstal. Le jugement dans l'affaire du vitrioleur d'Anvers. Il écope 18 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Il avait jeté de l'acide sur une femme de ménage du magasin de l'Aise. Et puis du cyclisme avec les très chauds championnats du monde du cyclisme au Qatar. Et puis on parlait du cinéma de plus en plus cher en Belgique. Eh bien, nous, on ira à 18h dans le journal de David Riffon au festival, le festival Namur Nature. Il ouvre ses portes ce soir. 300 films en compétition, 35 000 visiteurs attendus pour observer les merveilles du monde, près de chez nous ou un peu plus loin. Ça, c'est souvent des belles images. Je pense, avec Tanguy de Mortier notamment. On découvrira ça tout à l'heure à 18h. Merci Manu. Il est 17h32, la météo. Il devrait pleuvoir légèrement cette nuit. On parle de 3 à 5 litres d'eau par mètre carré. Des minima resteront compris entre 8 et 10 degrés. Cette zone de pluie pourrait encore un peu traîner samedi matin, puis il fera à nouveau sec l'après-midi. Le vent passe au sud et on notera des maxima de 11 à localement 16 degrés. Puis pour dimanche, un beau dimanche, ensoleillé et doux, des températures de 16 à 19, voire localement 20 degrés. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Est-ce que les nouvelles sont bonnes sur les routes? On va le savoir tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. On retrouve Antoine Binamé. Bonsoir Antoine. Bonsoir, avec un accident sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Fernelmont, bande de gauche neutralisée en direction de Liège, des fils se forment. Vous perdez une dizaine de minutes, ralentissez sur le ring de Bruxelles, le ring de la capitale en circulation extérieure. Zaventem Grand Migard, comptez 30 minutes supplémentaires, 20 minutes entre Zaventem et le carrefour Léonard en circulation intérieure. Ralentissement habituel dans la plupart des tunnels bruxellois. Et si vous quittez Bruxelles via le 411 en direction de Namur, sachez qu'un accident s'est produit à hauteur de Torrent-Baie-Saint-Tron. Le passage y est difficile dans la bretelle de sortie en direction de Namur. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Par SMS au 3063, je vous demande cet après-midi, parce qu'on en parlait dans le journal, là, de parler de cinéma. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir et est-ce que vous le conseillez ou pas? Il y a un message qui n'est pas signé qui est arrivé qui dit Rocky 3, j'habite la province de Luxembourg, on est un peu à la ramasse niveau film. Bah, courage à vous. Il est 17h33, vous m'envoyez ces films par SMS 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. Dans la suite de ce 5 à 7, on parlera de musique tout à l'heure. Il y a le 29e Beatles Day qui se déroulera ce week-end. On y revient tout à l'heure. La course à la Maison Blanche, vous savez que tous les soirs, c'est une connexion avec les États-Unis. On va retrouver Catherine Tonero qui, depuis deux semaines, maintenant presque deux semaines, sillonne les routes des États-Unis. C'est la course à la Maison-Blanche, rendez-vous à 18h30. L'image du jour dans un instant avec Ophélie Fontana. Puis, direction un endroit où il fait très très chaud, nous partirons à Doha. Dans le journal, on vous disait que les coureurs cyclistes ont de plus en plus de mal avec la température. Samuel Grulois est notre envoyé spécial sur place à Doha. On les retrouve juste après ça. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouvelle cuisine équipée, plus le lave-vaisselle offert. Ego, la cuisine de ma vie. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Il y a longtemps, je me trouvais dans un GSM. Et moi dans une foreuse. Et on nous a abandonnés au garage. C'est nul. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Eh, ça va, tiche ? Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Chez O'Green, ce samedi et dimanche, c'est la fête des fruits. Vous pourrez goûter des fruits, des jus, des confitures artisanales. Nos experts vous donneront des conseils plantation. Pour un arbre fruitier acheté, on vous offre un framboisier. Et il y a plein de chèques cadeaux à gagner. Jardinerie O'Green, National 4 à Louvain-la-Neuve. O-green.eu. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Sur tout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez. Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Shopping. Dès 17h, à moi la liberté et le plaisir. Les Happy Fridays du Walibi Shopping m'offrent quelques heures zen et branchées. En plus, le parking est gratuit de 17 à 20h. Happy Fridays, les inédits du vendredi. Walibi Shopping. 17h, 19h. 5 à 7. Sur Vivacité. Demain sur Viva, il y a un rendez-vous à pas manquer juste après la grande évasion. Vous avez rendez-vous de 16h à 18h avec Guillaume, que vous entendez souvent dans le 5 à 7. Et puis qui sera avec Adrien Jovenot pour vous emmener découvrir Bali. Il a eu cette chance de partir jusque là-bas pour partir à la rencontre de Karine, une Belge qui a décidé d'habiter et travailler sur l'île bénie des dieux. Rendez-vous demain entre 16h et 18h sur Viva pour retrouver ce voyage magnifique. Et à 17h37, on va voyager un peu plus proche de chez nous, mais on va voyager quand même. Il fait chaud. Alors il fait chaud, oui, pas chez nous, ça c'est vrai, en ce moment ça caille un petit peu, bien que dimanche les températures seront meilleures, mais à Doha, là, c'est horrible la chaleur. Les coureurs cyclistes ont vraiment du mal pour ces mondiaux de cyclisme, mais notre envoyé spécial est arrivé sur place, ça c'est Samuel Grulois qui est là. Bonsoir Samuel. Bonsoir, tout va bien chez vous, un peu frisqué. il fait plus froid que chez vous forcément. Alors vous êtes à Doha, il y a une heure de décalage horaire seulement, c'est comme si vous étiez à côté, mais il y a une heure de décalage au téléphone aussi, j'ai l'impression, parce que je vous parle, ça met 3 secondes avant que ça arrive jusque chez nous. Tout va bien depuis votre arrivée, votre voyage s'est bien passé, Samuel? Écoutez, le voyage s'est bien passé, désolé pour le décalage, mais on fait comme on peut. On est quand même à 6000 km de la Belgique. Le voyage s'est très bien passé, 6 heures de vol. On a perdu un petit peu de temps dans les formalités administratives à l'aéroport, l'immigration, la douane, le contrôle du matériel, même un casque, une pile, un micro. Ils n'aiment pas trop ça ici, donc ouais. Il faut montrer patte blanche. Mais pour le reste, une fois que vous êtes effectivement accepté, entre guillemets, sur le territoire qatari ou qatarien, puisque les deux noms sont acceptés, une fois que vous êtes rentré sur le territoire, eh bien ça se passe assez facilement et la population ici est plutôt très sympathique et très accueillante. Un mot sur la température, parce qu'on voit des images dingues avec des coureurs qui ont vraiment du mal. Est-ce qu'il fait vraiment chaud sur place? Est-ce que vous suez, Samuel? Écoutez, je suis normalement, comme un être humain normal, quand il fait 35, 36, 37 degrés. Donc effectivement, il fait chaud, on ne va pas vous mentir, il fait chaud. C'est le grand débat depuis quelques semaines déjà à l'approche de ces championnats du monde. Maintenant, il fait chaud, comme il fait chaud parfois en Belgique quand on parle de canicule. On ne dépasse pas les 40 degrés non plus. Et les coureurs cyclistes, eux se plaignent finalement très peu parce que ce sont des conditions qu'ils connaissent sur le Tour d'Espagne, par exemple, fin août, début septembre, ou alors en début de saison, lorsqu'on court en Australie, ou autour de San Luis, par exemple, en Argentine, où là, parfois, on dépasse les 40 degrés. Donc, de l'extérieur, le grand public s'offusque un petit peu de cette chaleur. Certains médecins aussi s'en offusquent. Mais ici, les coureurs professionnels, du moins ceux qui ont l'habitude, et on pense aux Belges, Tom Boonen ou Greg Van Avermaet qu'on a eu l'occasion d'interviewer, ne se plaignent pas tant que ça. Alors évidemment, les médecins, et là ils ont raison, mettent en cause peut-être l'organisation d'un tel championnat pour les plus jeunes coureurs. On a des moins de 18 ans, des moins de 23 ans ici, qui eux ont moins l'habitude, et on a vu quelques images à la télévision effectivement, de coureurs qui ont été victimes de malaise parce que déshydratés. Alors, niveau paysage, faites-nous rêver, ou pas, je ne sais pas où vous êtes. Est-ce que vous, c'est des paysages, genre quoi, désert, et vous êtes dans une petite tente avec un voile sur votre tête, ou alors vous êtes tranquillement installé dans un hôtel de luxe ? Mais je vous avoue que j'étais assez excité par ce voyage, parce que je me demandais vraiment où j'allais tomber. La première surprise, quand on a atterri à l'aéroport Lamad Airport International, qui est un immense aéroport ici, au Qatar, quand on atterrit, c'est qu'il faisait noir, alors qu'il était 17h. Je me dis, bon, ça, c'est pas possible, il fait déjà noir ici. Et donc, c'est une première chose. On approche de l'hiver, ici, même s'il fait 36 degrés, et les journées sont assez courtes. Et donc, à l'heure où je vous parle ici, il est 18h40, il fait noir depuis quasi 2h. Donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellé. Et puis après, Doha a été construite, cette grande ville, effectivement dans le désert, mais le désert on ne le voit plus, parce qu'il y a quand même maintenant des années que cette ville a été construite, et le désert il est bel et bien présent, et les coureurs pourront y goûter dimanche, les coureurs professionnels. Ici moi j'ai pas vu le désert, par contre j'ai vu une ville en pleine mutation. On ne fait pas 200 mètres sans voir une rue, sans voir des chantiers, et il y a des tours à perte de vue, comme à New York peut-être, comme à Las Vegas, sans doute un peu plus proche d'ailleurs de Las Vegas que de New York, tellement il y a des lumières partout, les palmiers sont éclairés comme les luminaires électriques chez nous le long des autoroutes. C'est vraiment un peu too much peut-être, un peu kitsch par moment. On a l'impression qu'il y a vraiment un concours architectural qui a été lancé pour les tours les plus originales, des tours qui culminent toutes au-delà des 100 mètres. Moi ici, je suis au 36e étage dans ma chambre d'hôtel, il y en a 37, donc on est quasi au sommet. Ah ouais, belle vue sans doute. Et donc ça, c'est effectivement assez impressionnant. Et on a effectivement une jolie vue. Je vous avoue que Jean-Paul Hans, le caméraman de l'RTBF qui m'accompagne pour les sujets télé, a une magnifique vue. Je suis un petit peu jaloux parce que sa vue est bien plus jolie que la mienne. Mais bon, voilà, effectivement, la mienne est déjà pas mal sur cette grande ville de Doha. Mais je vous avoue aussi, Cyril, qu'il y a un côté artificiel ici. Ça manque d'âme. Même Las Vegas, qui a un côté kitsch, too much, mais à Las Vegas, il y a une âme, il y a une vie, il y a des habitants là-bas qui sont attachés à leur ville. Ouais. Ici, à Doha, on a 20% de Qataris, 80% d'expatriés, d'étrangers qui viennent ici pour bosser. On croise énormément de nationalités différentes, mais on a l'impression qu'il n'y a pas l'âme de Doha, l'âme du Qatar. Et c'est un petit peu le sentiment que tous les journalistes ici étrangers que j'ai pu croiser ressentent également. C'est une ville qui est assez artificielle quand même. Eh ben Samuel, merci pour cette carte postale de Doha. Juste avant que vous partiez, tant que je vous ai sous la main, la grosse course c'est dimanche. Rapidement, qui est votre favori ? Donnez-moi un nom, Samuel. Eh bien écoutez, je vais faire le Chauvin. Je vais faire le Chauvin parce qu'il m'a l'air bien. Parce que on a envie qu'il gagne, parce que c'est un garçon qui va prendre sa retraite l'année prochaine, parce qu'il a plein de charisme, parce qu'il a porté très haut les couleurs belges pendant une quinzaine d'années, c'est Tom Boonen. Franchement, d'abord ça me ferait plaisir à titre personnel, ce n'est pas le grand favori, parce qu'il y a des sprinteurs, puisque c'est un parcours a priori attitré pour les sprinteurs, qui sont plus rapides que lui, mais s'il y a du vent, et vous penserez à moi dimanche en suivant cette course, s'il y a du vent, alors un garçon comme Tom Boonen et l'équipe belge en général aura l'occasion de faire exploser le peloton dans la partie désertique de la course, de provoquer ce qu'on appelle des bordures, des cassures dans le peloton. Et là, un garçon comme Tom Boonen, un duroman, verra ses chances de l'emporter augmenter. Bon voilà, c'est un peu mon cœur qui parle, un peu plus que la raison. Mais je dirais Tom Boonen, et je m'inspirerai également grandement, même s'il ne fait pas non plus lui partie des grands favoris, du tenant du titre Peter Sagan, qui est toujours là, présent dans les grands rendez-vous. Et ben merci Samuel, on suivra ça à distance, mais grâce à vous. Merci beaucoup et bonne soirée à Doha, il est 17h44. 5 à 7. C'est vendredi, et qui dit vendredi, bah dit bientôt le week-end. On est peut-être à quelques minutes de votre week-end. Et une idée de sortie, justement, pour ce week-end, que l'on note bah, sur un post-it Cap 48. Vous en avez acheté le week-end dernier, c'est l'occasion de les utiliser. Wallonie, week-end bienvenue à Dizon, Colfontaine et Astière. On en parle avec Karine Bresse. Bonjour Karine. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Les Colfontainois près de Mons nous reçoivent samedi et dimanche. Et comme le veut le projet touristique qui existe depuis bientôt 10 ans, ils nous feront découvrir leur hobby, leur passion. Ils nous montreront par exemple que c'est important d'avoir beaucoup d'insectes dans son jardin et ils nous diront comment les attirer. Certains nous montreront leur collection, leur métier. Vous verrez par exemple un artisan qui restaure des statuettes anciennes. Les habitants vont aussi nous faire découvrir des lieux méconnus de leur commune, comme le charbonnage de Marcasse. C'est le moment d'y aller, d'aller le visiter parce que l'endroit est privé. On ne passera pas à côté de Van Gogh. Il y a aussi une visite qui nous montre l'importance du paysage borin pour Vincent Van Gogh. 49 activités gratuites, c'est dingue. Nous vous rappellerons d'ailleurs dans un instant comment et où trouver la liste. Nous irons aussi à Dizon, en province de Liège. Oui, on est dans le pays de Vesdre, on n'est pas tellement loin de Verviers, on est tout près du pays de la laine. Et à Dizon, justement, Pierre et Fabien, deux habitants du coin, nous feront visiter une fabrique de pelotes de laine. Vous verrez des milliers de pelotes de fil à tricoter et aussi des démonstrations de tricot, du tricot à la main et du tricot à la machine. Et après, vous tricoterez votre écharpe pour l'hiver. Il y a aussi des activités pour les enfants avec les scouts et une découverte du coin en vélo. C'est une balade de plus ou moins 20 km avec des escales pour les commentaires. Et on ira aussi à Astière samedi ou dimanche ou tout le week-end, pourquoi pas? Oui, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce joli coin de la province de Namur. 40 ambassadeurs, une activité gourmande à faire avec modération bien sûr. La visite d'une fabrication de liqueurs artisanales de fruits, de plantes ou de fleurs. Et on ira aussi voir le château des Canards. C'est là qu'on danse? Vous parlez de la valse, évidemment. Ah bah évidemment. Une belle propriété du 19e siècle qui a une histoire éclectique. C'était tout d'abord une résidence privée, un bâtiment de ferme, un hôtel, café, restaurant et puis aussi une maison close avant de devenir un café dancing. Aujourd'hui, c'est un très bel endroit avec 4 chambres d'hôtes. C'est un endroit privé. www.wallonie-bienvenue.be pour les infos. Et les activités sont gratuites samedi et dimanche de 10h à 18h. Comme ça, vous avez toutes les infos. C'est tout, Karine? Non, ovio.be aussi pour revoir l'émission du dimanche dernier de Cap 48, principalement la séquence de l'hypnotiseur Mesmer avec vous, Cyril. Cela dit, j'ignorais que vous parliez aussi bien le martien. Ah ben, je cache encore plein de talents. Vous verrez ça bientôt. Merci, Karine. Bonne soirée, bon week-end. On se moque dans cette équipe. 17h47 dans un instant. Je vous dirai comment repartir avec vos bijoux, vos boucles d'oreilles en or équitable. D'une valeur de 650 €, c'est dans un instant. L'image du jour avec Ophélie Fontana aussi. Puis le cactus de Jérôme Dewars et tout ça avant 18h. À tout de suite. Docs is style. Docs is wow. Docs is fun. Docs is miam miam. Génial. Cinéma. Docs is culture. Music. Fashionista. Expo. Youpi. Docs is lingerie. Docs is comme tu es belle. Delicious. Docs is men. Woman. Kids. Me. Docs Bruxelles is you. Dès le 20 octobre, venez vivre une expérience urbaine inédite dans le tout nouveau shopping district de Bruxelles au Pont Van Praat. Venez découvrir Docs Bruxelles. Ouvert le dimanche 23 octobre. Plus d'infos sur docsbruxelles.be. En octobre, au Bon Repos, comblez toutes vos envies. Alors, vous êtes plutôt du style lève-tôt, grasse mat, sieste, dans un lit bien douillet, un canapé-lit ou un relax, dans des draps soyeux sous une bonne couette, le tout rangé dans un beau dressing? Profitez maintenant de 18% de remise au Bon Repos. 18% pour combler toutes vos envies et créer votre propre style. Au bonrepos.be, place de la Chapelle à Bruxelles, à deux pas du Sablon. Parking privé. Ouvert ce dimanche de 10h30 à 17h30. Tiens, hier, Madame Carlier est venue me trouver dans le magasin. Je lui dis, toi, Sylvie, tu as besoin d'un bon conseil vin pour ce soir. Elle m'a dit, Pierre, tu sais toujours de quoi j'ai besoin. Et c'est vrai, hein, chez Spar, nous connaissons bien nos clients. Nos entrepreneurs Spar ont toujours de belles offres pour leurs clients. Jusqu'au 2 novembre chez Spar, vous profitez ainsi de 25% de réduction sur 25 vins. Infos et conditions en magasin. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Ixina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Ixina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Ixina.be, c'est bien pensé. Vivacité présente. Dis Marco, tu comptes sérieusement acheter ces fraises au mois d'octobre? Ben oui. Mais juste là, t'as des pommes, des poires, des scoubidoubidou bien locales et de saison. Envie de plus de good food au quotidien? Rendez-vous les 22 et 23 octobre pour une foule de découvertes gourmandes sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. C'est le moment Nutella de cette émission. C'est le moment où on accueille Ophélie Fontana. Bonsoir Ophélie. C'est gentil ça. Bah, je suis gentil. Ça me donne faim. Bah, ça, c'est le problème. Profitez tant que vous pouvez manger, puisque en décembre, c'est fini tout ça. Nutella n'est pas liquide, ça ne compte pas. Et je suis sûre qu'il y a moyen de faire un milkshake avec du Nutella. Vous ne pourrez pas manger de Nutella dans le cube de Via for Life. Bon Ophélie, je vous accueille en musique aujourd'hui. On va parler d'Harry Potter ce soir. Ben oui, vous avez sorti votre petite baguette magique, je vois. Ça me dérange que vous disiez ça à la radio. Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Voilà, donc l'image du jour que j'ai choisie aujourd'hui, ce sont ces centaines, même ces milliers de personnes qui ont fait la file cette nuit devant les librairies de Belgique, de France, en tout cas des pays où on parle français, puisque c'était à minuit que sortait le dernier livre inspiré de l'univers de J.K. Rowling en français. Alors cet ouvrage, c'est Harry Potter et les enfants maudits. Ouais. C'est pas la suite de Harry Potter, c'est en fait l'adaptation d'une pièce de théâtre inspiré bien sûr de l'univers de Harry Potter et de J.K. Rowling, qui a été présenté à Londres en décembre dernier. Et en fait, l'histoire nous parle du fils d'Harry Potter, qui s'appelle Albus. Donc on est quelques années après la sortie de Poudlard de Harry Potter, mais on est bien sûr dans ce même univers magique qui plaît beaucoup, d'où ces files d'attente interminables. Et il y avait déjà eu la sortie en anglais il y a quelques semaines, il y avait déjà eu aussi des films, et ici, c'est reparti, nouvel engouement, nouveau coup de maître, coup de baguette magique orchestré par J.K. Rowling. Alors c'est la folie, parce qu'effectivement, vous le disiez, il y a des films, mais c'est même pas la suite d'Harry Potter, c'est une histoire de marketing quand même vachement bien maîtrisée tout ça. Ben voilà, exactement, comme à chaque fois, ce culte du secret, ce culte de la surprise est vraiment maîtrisé de main de maître, il y a ces embargos qui sont imposés, et vraiment, il y a l'équipe de J.K. Rowling qui contrôle absolument tout au niveau des maisons d'édition dans les différents pays. Donc chez nous, c'est Gallimard. Et souvent, en plus, dans les librairies, les livres sont livrés vraiment à la dernière minute, parfois même une heure avant la fin de l'embargo. Donc imaginez, c'est pour être vraiment sûr et certain que rien ne filtre avant. Donc même quand on a des talents de sorcier, c'est impossible de sortir de ce pur marketing qui a été mis en place. Et même avant la sortie hier, il y avait déjà aussi le livre qui était en tête des achats en ligne. Les gens pouvaient réserver sur Internet avec des petits bons réductions. Donc voilà, tout est savamment orchestré. Et puis, il y a tout le merchandising qui a toujours autour de cet univers Harry Potter et J.K. Rowling. Il y a cette expo itinérante qui est toujours à Bruxelles pour l'instant. On annonce, très sympa d'ailleurs. Voilà, on annonce une nouvelle exposition à Paris, Gare Montparnasse, d'ici quelques temps. Et d'ici peu, il y aura même 200 TGV donc qui vont circuler en France et qui vont être redécorés avec tout l'univers Harry Potter. Et pour couronner le tout, on va tant qu'à faire, tant que la machine tourne, on réédite les 7 volumes de Harry Potter, donc de l'histoire originale. Voilà, il y a quand même pourtant 450 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Ça a été traduit dans 70 langues. Mais voilà, J.K. Rowling se dit, ben voilà, on va reparler de moi, donc on va ressortir les Harry Potter, ça pourrait marcher. Et en plus, il y a d'autres ouvrages de J.K. Rowling qui vont être adaptés au cinéma. Ah bah oui, ça c'est ces autres livres, Les Animaux Fantastiques, on le savait déjà qu'il allait avoir un film, mais aujourd'hui même, J.K. Rowling a directement annoncé aux fans qu'en fait il y allait voir 5 films. Non. Ça va en faire des choses à aller voir. Voilà, l'annoncé aujourd'hui. Donc, ces 5 films sont basés sur d'autres livres. Je le disais, le titre, ce sont Les Animaux Fantastiques. Elle a sorti ces livres, en fait, pour ajouter toujours cet esprit de magie. Elle les a sortis sous un pseudonyme à partir de 2001, le pseudonyme de Newt Scamander. Puis finalement, quelques temps après, on a bien su que c'était elle qui se cachait derrière ça. Et en fait, ces livres s'inspirent aussi, finalement, de l'univers Harry Potter. Ils s'inspirent exactement du manuel de sorcellerie que Harry Potter et ses amis utilisés à Poudlard, mais ça se passe quasiment un siècle avant que Harry Potter ne débarque à Poudlard, et donc il y aura 5 films inspirés de ces animaux fantastiques, et le premier film, il est à découvrir tout bientôt, le 16 novembre, il sortira en Belgique et ailleurs, et avec toutes les suites, donc les 4 autres films qui sortiront après, on nous annonce encore du marketing et des campagnes promotionnelles jusqu'en 2020, donc j'ai encore envie de dire qu'on va manger de l'univers magique pendant un petit temps. Eh ben ça vous plaît ça ou pas? Vous aimez? J'aime assez, oui. Ah ben donc on peut aller au cinéma avec vous. Bon, on peut y aller à deux si vous voulez. Ah, carrément, parce que moi, je voulais proposer à des auditeurs. Mais oh, ben ça aussi, on peut y aller avec des auditeurs, c'est encore mieux. Eh ben, ce serait sympa un jour de se faire un cinéma tous ensemble. Je sais pas s'il y a une salle assez grande pour accueillir tous les auditeurs de Via Cité, mais on pourrait organiser ça un jour. On peut. Eh ben voilà, vous êtes dispo quand? Quand vous voulez. Ça, c'est gentil. Après Viva For Life, peut-être. Eh ben, on va regarder dans les agendas, mais on va se faire une soirée cinéma avec les auditeurs. Ça peut être sympa. Super. Merci Ophélie. Bonne soirée. Mais oui, et bon week-end. Il est 17h55, c'est l'heure de retrouver le cactus de Jérôme de Warzé. C'était ce matin dans le 8-9. Le cactus, le budget n'est toujours pas bouclé. Hier, alors que Charles Michel répondait à la tribune, Bart de Wever lisait son journal à la cafétéria. Mais parfaitement, Sarah, Bart de Wever est avec tous. Monsieur de Wever, vous admettrez que cette attitude est un peu désinvolte, hein? Mais je vois pas où est le problème, hein. Je n'allais tout de même pas écouter un discours que j'avais moi-même écrit, hein. En plus, il me remercie même pas, ce Michel. On fait tout le travail pour lui, c'est lui qui en profite, hein. Wallon. Non, enfin, tu dois veux lire le journal, c'est un peu provocant quand le Premier ministre... C'est intéressant, les journaux, vous savez. Ah bon? Par exemple, regardez, ici, pour savoir où est Peter de Crème. Oui. Ah, il faut le suivre, hein, oui, celui-là. C'est sûr, oui. Quelle sauterelle, hein. Il va piquer des idées partout et dès qu'il s'est nourri, il s'en va et il reste plus rien. Monsieur Michel, où en est-on, là? Le budget, monsieur Michel, le budget. J'ai reçu une excellente nouvelle. Un travailleur sur sept vivrait sous le seuil de pauvreté. Ah, vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, vous? Oui, cela signifie qu'il y a encore 6 sur 7 à qui on peut soutirer de l'argent. Mais j'ai d'autres idées pour ramener du pognon. J'ai entendu dire qu'Harrison Ford, après sa fracture de la jambe sur le dernier Star Wars, avait touché 2 millions d'euros des assurances. Oui. Alors, je propose donc de faire engager le gouvernement sur le prochain tournage. Ah bon, et pourquoi ça? Eh bien, parce que dans cette équipe gouvernementale, il n'y a que des bras cassés, des manchots, des handicapés cérébraux, des estropiés, oui. Des amputés du bulbe occipital sous-légumineux, oui. Des grabataires incontinents, bon, enfin, Michel, des paralytiques dégénérés, des déficients asthéniques, des idiots, des souffreteux rabougris, des débiles cacochimes, des tarés, des couillons boiteux, des abrutés diminués, des tocards lymphatiques et abattardis, des nuls de chez nuls. Bon, enfin, monsieur Michel. Donc, si on se fait engager sur le tournage en additionnant le tout, ça va bien nous rapporter 4 milliards d'euros des assurances, ça, non? Ça, c'est sûr. Là, c'est vrai qu'effectivement, là, effectivement. Eh, mais dites, vous avez lu ça? C'est incroyable, hein? Jean-Marc Nollet, toujours vivant. Ça, alors, ça, c'est bon, madame incroyable. De Bloch, c'est 900 millions d'euros, là. Vous allez les ponctionner comment pour la santé? Allez, on va tout d'abord rayer les diables rouges de l'ennemi, hein. Bon. Bah déjà, sans compagnie et sans Vermaelen, ça fait plus de 100 millions d'économies sur le soin de santé. Oui, ça c'est vrai. Alors vous soutrayez aussi la sécu des séances de psychiatrie pour Lukaku, la désintoxication de Nainggolan et les crèmes pour dérougir le visage de Kevin De Bruyne. Et tout ça, on sauve la sécu, on peut même refinancer l'enseignement. Oui, oui, mais vous savez, vous stigmatisez les malades. Ah non, je veux juste les déceler mieux. Ah. Toutes les personnes malades recevront une croix rouge qu'ils devront apposer sur leur chemise et on organisera un ramassage qui les emmènera dans un hôpital géant pour les soigner. Bon, et où sera-t-il ce centre? Apprenne donc. Ah bah, bravo. Même Théo Franken dit que c'est une bonne idée et que ça met en valeur le patrimoine historique de la Flandre. Ah bah, bien sûr, oui. Nous aimerions quand même entendre l'opposition à un moment. Ah, c'est moi. Une seconde, je sors de la naphtaline, je change les couches du panda et les miennes par la même occasion. Voilà. Et je suis à vous. Merci, M. Diroupo. Voilà. Voilà. Alors, il faut savoir que je peux toujours compter sur Laurette Onkelings pour faire entendre notre voix. Ah bah oui. Hein, elle est tout le contraire de Salah Abdeslam, notre bonne Laurette. Hein. Salah Abdeslam, lui, son avocat mari ne parvient pas à le faire parler. Non. Tandis que Laurette, elle, son avocat de mari ne parvient pas à l'en faire taire. Ah oui, ça c'est effectivement. Ah tiens, regardez, on sort un nouveau Harry Potter. L'enfant maudit. Oui. Tiens, je pensais que c'était Albert II qui l'avait sorti. Non. Maintenant, avec Laurent, il peut directement faire une suite. Bon, on va rester en attente cette semaine. Alors, je vous remercie beaucoup. Bon week-end à tous. Tous nos compliments, évidemment, avec Fabien Le Castel. Retour du cactus lundi dans le 8-9 et dans le 5-7. Et puis lui, il sera là la semaine prochaine à la même heure. On aura accueilli M. Pokora. M. Pokora qui sortira un album de reprise de Claude François la semaine prochaine. Vendredi, il sera dans les bacs. Et il sera l'invité de ce 5-7 la semaine prochaine. Et puis lundi, autre invité musical. Lundi, rendez-vous avec LP dans l'émission. C'est génial ce morceau. Elle vient de New York. Elle sera l'invitée de ce 5 à 7 lundi prochain, soyez là, prenez le rendez-vous, voilà, notez, mettez dans votre agenda, mettez des rappels dès 17h. Et là c'est la météo. Pour ce week-end et pour cette nuit d'abord, on parle de 3 à 5 litres d'eau par mètre carré qui vont tomber. Les minima resteront compris entre 8 et 10 degrés. Cette zone de pluie pourrait encore un peu traîner samedi matin, puis il fera à nouveau sec l'après-midi. Le vent, lui, va passer au sud et on notera des maxima de 11 à localement 16 degrés pour samedi. Pour dimanche, beau dimanche, plutôt ensoleillé et doux, il y aura des températures entre 16 et 20 degrés. Ça fait drôle, hein? Ouais. Je veux dire, c'est la première fois que tu viens chez moi. Ouais, ouais, je suis curieuse. Allez, vas-y, rentre. Donc ça, c'est mon salon. Ouais. Hein, et là, c'est le nouveau fauteuil que je viens d'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il est très... Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui. Voilà, on va faire ça. Heureusement, chez IKEA, vous avez 365 jours pour échanger vos achats. Ça, c'est bien dit. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. Plus d'infos sur IKEA.be. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Non au CETA, comme annoncé, le Parlement wallon a opposé son refus au traité de libre-échange Europe-Canada. La Wallonie va donc empêcher le fédéral et l'Europe de conclure l'accord. Au niveau fédéral, justement, après 48 heures de brouille, tout le monde, premier et vice-premier ministre, se retrouve à nouveau autour d'une même table. Il faut apaiser les tensions et enfin aboutir sur le budget et les réformes. Le festival Nature Namur ouvre ses portes ce soir. Un festival pour les pros, mais aussi pour les amateurs, vous allez le voir. Dans le journal des sports, on évoquera le match au sommet Charleroi Club de Bruges en ouverture de la 10e journée de championnat de Pro League de football. Le journal sur Vivacité, c'est avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Les députés wallons ont dit non à un non franc au CETA, le traité de libre-échange commercial en négociation entre l'Europe et le Canada. L'exécutif régional a donc décidé de ne pas déléguer ses pouvoirs au gouvernement fédéral pour signer le traité. Le CETA doit être ratifié par tous les parlements nationaux en Europe pour entrer en vigueur. Mais une majorité de députés wallons estime que ce traité représente une menace à plusieurs égards, notamment pour les agriculteurs wallon ou pour les petites entreprises face aux multinationales. Une position qui sera donc relayée par le gouvernement régional et qui va bloquer le CETA à l'échelle européenne. Rien de moins. On écoute Paul Magnette, le ministre-président wallon, à la tribune du Parlement. C'était ce matin. Politiquement, évidemment que ça n'est pas facile. On prend le risque soit de s'isoler de sa population, si on veut se dire « Oh, ne nous prenons pas pour plus important que nous sommes, acceptons le traité tel quel, c'est déjà pas si mal, tant pis pour les quelques petites imperfections. » Alors je crois qu'on ne fera que renforcer la défiance déjà très profonde dans le personnel politique. On peut se dire à l'inverse « Disons non, point, c'est tout, et puis allons faire un feu d'artifice en se réjouissant d'avoir fait échouer le bateau CETA. Et quoi demain ? Eh bien demain, tant pis. » Ça ne me paraît pas non plus être une position de responsabilité politique. Par contre, on peut dire non, mais expliquer pourquoi on dit non et expliquer à quelles conditions nous accepterions de négocier à nouveau. Et ça a toujours été notre position. Et donc ce que je dirais à l'ensemble de ceux qui me poseront la question, à l'analyse, ceci ne donne pas de garantie suffisante. Je ne prends pas ceci comme un enterrement, je ne prends pas ceci comme un veto sans condition, je prends ceci comme une demande de réouvrir de négociations. Des propos recueillis par Rudy Hermans, donc au Parlement wallon ce matin. Les organisations patronales ont crié au fou, estimant que cette décision mettait à mal nos exportations et nos relations avec le Canada. Ils se sont enfin retrouvés tous, Premier ministre et vice-premier, au 16 rue de la Loi. Les négociations sur le budget et les réformes ont repris à 11h ce matin. Pourtant, depuis mardi soir et le claquement de porte du CDNV, bien plus personne ne se voyait, si ce n'est en bilatéral. Charles Michel n'avait eu plus d'entretien qu'avec ses vice-premiers, via donc des entretiens en face-à-face, un peu plus de 48 heures plus tard et au lendemain d'une séance chahutée à la Chambre, tous se sont retrouvés autour d'une même table depuis 11h ce matin et ça continue. C'est au 16 rue de la Loi. Le budget peut être présenté à l'Europe avec 2 jours de retard. La nouvelle date butoir, c'est le 17, c'est-à-dire lundi. Il reste donc ce soir ou le week-end pour conclure. Fabien Van Eekhout, lors de cette réunion, il s'agit avant tout, avant de négocier, bien de recoller les morceaux. Charles Michel a appelé son gouvernement à l'unité hier. La bonne nouvelle après la tension de ces derniers jours, c'est qu'ils sont toujours ensemble, les vice-premiers, et que le travail est intense, nous dit-on. On avance, mais lentement. Un vrai changement après les portes qui claquent de lundi et le retrait des discussions du CDNV, lassé, on le sait, de ne pas voir sa proposition de taxe sur les plus-values prise en compte. Il y a eu aussi les trois jours de diplomatie, des bilatérales, du pendule, de Charles Michel recevant successivement les uns et les autres pour rétablir la confiance. Et hier, c'était au Parlement l'appel au sens des responsabilités lancé par le Premier ministre à chacun. Eh bien, pour le moment, ça marche. Ils se parlent sans s'invectiver. Sur le contenu, rien ne filtre. On sait que le Premier ministre a mis sur la table une proposition de compromis pour tenter de dégager un accord global et sur le budget quasi bouclé et sur les différentes propositions de réforme annoncées. De l'aveu général, c'est la dernière proposition possible. Ça passe ou ça casse. À l'heure actuelle, les discussions continuent. Les travailleurs de la FNR-Stahl ont décidé de débrayer ce matin après une assemblée générale. Ils sont en grève jusque lundi depuis plusieurs années. Ils demandent à la direction une nouvelle organisation du travail pour que l'usine de fabrication d'armes soit exploitée au maximum de ses capacités. Selon eux, la FN délocalise une part trop importante de la production aux États-Unis. C'est inacceptable. Le travail pourrait reprendre lundi, mais la direction serait empêchée de rejoindre le bâtiment. On l'appelle le vitrioleur d'Anvers. Yelle Frenken a écopé aujourd'hui de 18 ans de prison. Pour avoir jeté de l'acide sur la femme de ménage d'un magasin de Lèze, le tribunal correctionnel de Bruxelles vient de le condamner. Le quadragénaire néerlandais en voulait personnellement à l'enseigne de Lèze. Il devra verser près de 500 000 euros de dédommagement à sa victime. L'actualité internationale au lendemain du décès du roi Bhumibol, la Thaïlande s'est drapée de noir et de blanc, couleur du deuil. Au passage du convoi funéraire du roi, ramené de l'hôpital où il est décédé jusqu'au palais royal, des habitants se sont mis à genoux. Les Thaïlandais pleurent ce qui était un demi-dieu pour eux et l'inquiétude surtout s'est installée sur l'avenir du royaume dirigé par une junte militaire car l'image du prince héritier est très mauvaise. Je vous rappelle qu'un deuil national d'un an a été décrété. Retour chez nous avec ce constat, le cinéma coûte cher. Le prix d'une entrée dans les salles obscures varie entre 4,50 euros dans les petits cinémas de quartier à presque 11 euros dans certains gros complexes. Le prix d'une entrée a augmenté deux fois plus vite que le coût de la vie ces dernières années. On reste dans le cinéma, mais le cinéma nature. Oui, le festival Nature Namur ouvre ses portes ce soir. C'est parti jusqu'au 23 octobre. 300 films en compétition, des expos, photos, des balades et 35 000 visiteurs attendus. Des films professionnels mais également amateurs, ce qui fait l'originalité de ce festival d'ailleurs. Des particuliers qui s'équipent comme des pros pour observer les merveilles sous leur nez, comme dans ce court-métrage tourné sur les hauteurs de Namur, à Malonne. Voici un escargot. Qu'il est mignon. Voici un autre. L'escargot, le ver luisant, la fleur des champs, un casting 100% nature dans ce film intitulé « Cabinet de curiosité ». La réalisatrice Laurence Deluiche transforme les habitants de son jardin en stars du grand écran. Quelle chance j'ai de voir une sauterelle qui délicatement prend son antenne et commence à nettoyer son antenne. C'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vu et c'est vraiment incroyable. On peut faire ça à toute heure du jour et n'importe quand dans l'année. De la sauterelle de Malonne au singe de l'Himalaya. C'est un catalogue international de la faune et de la flore qui est passé en revue durant 10 jours avec des amateurs qui se frottent aux professionnels. Le président du festival, Tanguy Dumortier, présentateur du Jardin Extraordinaire, est lui-même passé par là. C'est vraiment le cœur du festival, c'est les amateurs. Ce sont ces amateurs qui passent leur année à peaufiner un film qui est un petit bijou de 5 minutes. Et donc moi j'ai eu la chance de rentrer par là et c'est un magnifique tremplin. 5 ans après être rentré par ce tremplin-là dans le monde du documentaire animalier, j'ai vendu des documentaires dans le monde entier. Le Festival Nature, un tremplin et une vitrine pour les 300 films en compétition et les 40 expos photos. L'an dernier, 35 000 personnes ont participé à l'événement. Un sujet réalisé par Pierre-Yves Millet avec Hugues Van Pel et Terry Lemens. Le Festival Nature Namur, mon cher Cyril, ça se passe au complexe Assinapolis à Jambes, près de Namur. Voilà pour l'info. Ça a l'air magnifique. Oui, c'est très beau. J'y suis allé plusieurs années, plusieurs fois déjà, c'est très beau. Et vous, ça veut dire quoi? Vous n'y retournez pas cette année? Cette année, j'ai d'autres impératifs, on va dire. Mini-foot ce week-end. Non. Voilà, familiaux, on va dire. Mais j'y suis allé encore l'année dernière, l'année d'avant. Sur les 4-5 dernières années, oui, bien sûr. Eh ben voilà, fortement. N'hésitez pas si vous cherchez encore un truc à faire ce week-end. Merci beaucoup David, bonne soirée, bon week-end. Il est l'heure de faire un point sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Bonsoir Fanny Gillard. Bonsoir tout le monde. Des mauvaises nouvelles à vous annoncer avec cet accident impliquant plusieurs véhicules sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Fernelmont, bande gauche neutralisée. Il n'y a que deux files là et figurez-vous qu'un camion est tombé en panne dans ces files. Donc du coup les files remontent jusqu'à Namur-Ouest, vous perdez 1h15 en direction de Liège. Soyez patients. On a également une fuite de gaz qui vient de nous être annoncée à l'instant à Braine-l'Alleud, chaussée d'Alzenberg fermée entre le rond-point avec la chaussée de Tubize et la rue Rombaud. Ça provoque là aussi de gros embarras de circulation. On en vient à la capitale, ça coince du tunnel Roger au tunnel Arlois vers le midi, du tunnel Louise au tunnel Léopold II vers la Basilique, dans le tunnel Reyer-Centre vers le centre. On a un incident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à l'entrée du tunnel des Quatre Bras de Tervuren, bande droite neutralisée vers Waterloo. Le ring, ça coince en circulation extérieure Zaventem Grand Bigard 25 minutes. Dans l'autre sens, Zaventem Léonard 25 minutes. Et puis, ça ralentit aussi quelque peu sur les grands axes pour quitter cette fois la capitale. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Maintenant chez Ici par Excel, ce sont les offres Perfect Mood, des parfums après rond qui mettent tout de suite de bonne humeur. Venez vite les sentir ou commandez sur iciparxl.be. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Lise Burion. Bonsoir Lise. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, c'est le retour du championnat de Belgique sur les pelouses après la trêve internationale. Dixième journée ce week-end et directement un match au sommet ce soir. Le quatrième contre le troisième, c'est Charleroi contre Bruges. Les deux clubs sont à égalité de points pour l'instant, 16 points. S'il y a un vainqueur, il prendra provisoirement la deuxième place du classement derrière Zulte Waregem et devant Anderlecht. Zulte qui jouera à Gand dimanche et Anderlecht qui recevra Lokeren. Alors pour ce soir, Charleroi reste sur un 4-6 contre Ostende Zulte et a aussi partagé contre Gand un peu plus tôt dans la saison. Mais Bruges est l'équipe du top qui réussit le moins au Carolo. Les Zèbres n'ont plus battu les Brugeois au Mambourg depuis 20 ans. Christophe Reculé a donc demandé à l'entraîneur Felice Mazzu s'il avait un plan particulier pour affronter les champions en titre. Oui, je pense qu'on n'a pas spécialement une équipe pour avoir 50 plans de bataille en fonction de l'adversaire. Et puis moi, en tant qu'entraîneur, dans ma philosophie, la chose la plus importante, c'est mon équipe. Et c'est la manière dont on va jouer avant de penser à l'adversaire, même si l'adversaire est évidemment très important pour connaître les forces, les qualités, les zones de pénétration, etc., leurs points forts, leurs points faibles. Mais on doit d'abord se baser sur notre jeu avant de commencer à mettre des plans. Et notre jeu, effectivement, c'est d'essayer de conserver évidemment le ballon, même si ce n'est pas le point le plus important, mais en tout cas d'être positionné le plus haut possible sur le terrain et d'essayer d'amener des actions de but. L'équipe brugeoise particulièrement décimée. Il manque au moins un titulaire en puissance dans chaque ligne. Dernier blessé en date, l'attaquant Abdoulaye Diaby. Le match Charleroi-Bruges, c'est à 20h30. En direct sur Vivacité, évidemment, ce sera avec Ebi Brouzakis. À Anderlecht, on fait des emplettes, même hors mercato. Et en plus, ce ne sont même pas des joueurs de foot. Figurez-vous, un hockeyeur belge a offert ses services aux Mauves. Elliot Van Strijdonk, Red Lion, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques. Il s'est proposé spontanément pour travailler au Sporting. Éric Libois nous raconte la suite de cette histoire un peu bizarre. Vous cherchez du boulot et vous êtes supporter mauve, faites comme Elliot Van Strijdonk, défenseur chez les Red Lions, rentrez une candidature spontanée à NERPED. J'aime bien le club depuis toujours. J'y allais beaucoup à l'époque, la belle épopée en Champions League. Radzinski, Jan Koller était aussi un chouette joueur. Et Bargo, j'aimais bien. J'ai un vieux maillot, je pense, de Zetterberg avec encore le général Gilles en plein milieu. Mais là, c'est un très très vieux maillot. Jeudi, Van Strijdonk a rentré son projet auprès de la cellule sociale mauve qui assure l'encadrement des jeunes joueurs et des étrangers. Lors des Jeux Olympiques de Rio, Herman Van Osbeek avait cité les hockeyeurs en exemple. Van Strijdonk lui-même avait tweeté que les Diables devraient chanter la bande-son comme les Red Lions. La manière dont on a évolué ces dernières années, surtout avec les Red Lions, je suis sûr que les valeurs du hockey peuvent aider le monde du foot. C'est un milieu où il y a plus d'argent, c'est sûr. C'est un milieu difficile, mais il y a de belles choses à faire. Vous allez leur apprendre la Brabanson? Non, je ne vais pas leur apprendre la Brabanson, loin de là. Mon idée pour la Brabanson était plus, on a l'amour de son pays. C'est l'une des valeurs qu'on a dans le hockey. Quand on met un maillot, on se bat et on le défend avec ses tripes. Alors simple démarchage personnel ou effet de com', on en saura plus d'ici deux semaines quand les parties se reverront. Et quelques nouvelles des Diables Rouges aussi aujourd'hui. Tout va bien pour Christian Benteke. En plus de son triplé et de son but ultra rapide avec les Diables, le voilà élu joueur du mois dans son club avec 3 buts en 4 rencontres pour lui sous le maillot de Crystal Palace en septembre. Thomas Vermaelen, lui, a repris les entraînements à la Roma. En tout cas, il a recommencé à courir. Le ballon, ça viendra petit à petit. En tennis, il y avait une muraille écossaise face à David Goffin aujourd'hui en Chine. Andy Murray était bien trop fort pour le Belge au tournoi de Shanghai. Victoire sur un double 6-2 en un peu plus d'une heure et demie. Murray se qualifie pour les demi-finales du tournoi. David Goffin jouera lui la semaine prochaine le tournoi d'Anvers, le retour d'un tournoi ATP dans notre pays pour la première fois depuis 18 ans. La tension monte tout doucement au Qatar à la veille des courses élites au championnat du monde de cyclisme. Demain, la course dames, la Belge Yolinde Dehors se pointe elle-même parmi les favorites. Dehors bien remise de sa médaille de bronze sur la piste de Rio aux derniers Jeux Olympiques. Et puis chez les messieurs, un Belge attend aussi avec impatience la course de dimanche. Alors là, on ne parle pas nécessairement du champion olympique Greg Van Avermaet, même s'il sera l'un des deux leaders de l'équipe belge. Il n'apprécie pas spécialement le parcours, au contraire de Tom Bonnen, qui est lui persuadé qu'il y a un coup à jouer pour sa dernière participation à la course à l'arc-en-ciel. Tom Bonnen focalisé sur cette course. La semaine passée, après Binge, dans ma tête, je suis prêt pour partir. Je sens ça au Paris Tour, je suis un peu nerveux dans la couche pour ne pas faire quelque chose de mal ou être dans une chute ou quelque chose. Je suis très content d'être ici et aussi le vent est là et on a une bonne chance pour gagner la course. Il y a 11 ans, vous étiez champion du monde à Madrid. C'est quand même dingue, 11 ans plus tard, d'être toujours parmi les favoris. C'est fou. Oui, ça c'est fou, oui. Quand Kevin il m'a dit, oui, les conférences de presse en anglais parce qu'il y a beaucoup de médias, je dis, pourquoi? Normalement, il y a 10 personnes. Non, mais c'est vraiment spécial, oui. Je suis content aussi et je pense vraiment que j'ai encore une grande chance aussi parce que moi, je ne suis pas un vrai sprinteur, mais je suis fort. C'est une course qui est vraiment bien pour moi et après 2 ou 3 heures vraiment à bloc, il n'y a pas beaucoup de sprinteurs qui sont encore vite. Interview de notre envoyé spécial à Doha, Samuel Grulois. Aujourd'hui, c'était la course en ligne chez les juniors. La preuve que le sprint n'est pas inéluctable. Le Danois Jacob Egholm a surpris le peloton dans les derniers kilomètres. Il a filé vers le titre en solitaire. Le meilleur Belge termine 13e. Au rallye de Catalogne, c'est un Espagnol qui vient en tête après la première journée. Dani Sordo devant Sébastien Ogier, le Français, bien dans le rythme vers son 4e titre mondial consécutif. Le Belge Thierry Neuville a signé le meilleur temps de la 2e spéciale du jour, mais il a ensuite endommagé son radiateur et son turbo sur un tête-à-queue à faible vitesse. Il est 4e désormais à une dizaine de secondes de Mikkelsen, le pilote VW, son grand rival pour le titre de vice-champion du monde. Du mouvement en Formule 1, l'Allemand Nico Hülkenberg, 111 Grands Prix déjà disputés, va passer de Force India à Renault l'an prochain, contrat de plusieurs années selon l'écurie, de 2 ans selon la presse allemande. Pas de Grand Prix du Japon moto pour l'Espagnol Dani Pedrosa, triple vainqueur sur le circuit de Motegi. Le pilote Honda s'est fracturé la clavicule lors des essais libres, une chute spectaculaire et un rapatriement pour Pedrosa. Il rentre en Espagne pour être opéré. Et puis retour chez nous en basket. Il y a 3 matchs de championnat programmés ce soir. Brussels-Mons, Charleroi-Alost et Liège-Anvers. Les Anversois leaders pour l'instant. 3 victoires en 3 matchs. Anvers est la dernière équipe invaincue. Beaucoup de sport à Charleroi ce soir alors. Tout à fait. Au Spirodome et au stade du Pays de Charleroi. Ouais, oui, victoire de Charleroi ce soir. Je vous l'annonce. Sur les routes, on peut déjà faire un info. Ah, effectivement, oui, ça va coincer dans Charleroi. Oui. Les travaux plus les événements sportif, il va y avoir du monde. Et en plus, la fête dans la ville après pour la victoire de Charleroi ce soir. Je vous l'annonce en exclusivité. Je verrai bien, puisque j'y serai. C'est vrai? Oui. Donc, j'aide d'abord dans les emboutes. Et vous supportez Charleroi ce soir? On est neutre. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. En T4 avec les vrais. J'ai des rayures sur mon pull, mais je ne vous dirai pas de quelle couleur ni dans quel sens. Bah, moi, je vous le dis. C'est rien à voir, c'est à la fois bleu et blanc, donc ça mélange les deux clubs. Ouais, moi je vois du noir et du blanc. Vous êtes zèbre ce soir, en T4 avec les vrais supporters. Il est 18h17. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. On va parler musique dans un instant. Il y a le 29e Beatles Day qui arrive. Qu'est-ce que c'est que cet événement? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On verra ça dans un instant sur Vivacité. On rejoindra Catherine Tonero qui est dans le Midwest aux États-Unis. Elle est en pleine course à la Maison Blanche avec Thomas et Sébastien. Un rendez-vous sera donné dans une semaine à Washington. D'ici là, ils sont chacun dans un coin des États-Unis. On la retrouve dans quelques minutes. Il y aura avant 19h le meilleur moment, les meilleurs moments

sur des morceaux comme Lady Madonna, comme sur des albums essentiels entre Rubber Soul et d'autres. Le nom m'échappe, mais enfin bon, c'est vraiment un ingénieur du son qui a beaucoup apporté aussi à la carrière des Beatles, au son, etc. Mm-hmm. Alors, que dire encore, il y a d'autres invités, nous aurons Jérôme Solini, qui est un grand fan des Beatles aussi, et d'autres personnalités aussi. Il y a François Jouffa qui nous fait le grand honneur de venir. Si, pour les anciens, François Jouffa, il présentait l'émission Campus en son temps, il y a quelques années sur Europe 1 déjà. Et puis, au niveau des groupes, nous aurons le sosie de Ringo Starr. C'est pas mal. C'est un spécial. Oui, il nous vient de Michigan, aux USA, et il est vraiment ressemblant au Ringo Starr d'aujourd'hui. Donc. Alors, au niveau des infos pratiques, Alain, si on veut absolument participer à cette journée du Beatles Day, comment ça se passe ? Eh bien, c'est au Lotto Mons Expo, donc c'est bien connu, et c'est à partir de 10h, donc nous ouvrons les portes à 10h, et le spectacle dure jusqu'aux 24h, 24h30. Sans oublier aussi qu'il y aura. Oui, il y a de quoi faire. Il y a aussi une foire au vinyle très intéressante, avec une exposition notamment des 101 vinyles incontournables. L'organisateur a rassemblé les 100 pochettes des 100 vinyles incontournables. C'est une très belle exposition à voir. Aussi, il y a la restauration, parking sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, quoi. Oui, absolument, oui. Ah bah, super. L'exposition aussi, c'est vraiment tout très complet et chacun peut retrouver. Le rendez-vous est pris. Et on va se replonger dans l'ambiance des Beatles alors pendant le week-end. Merci beaucoup, Alain. Oui, merci à vous. Merci. Très bonne soirée. Il est 18h25. Merci. On va bien la finir cette semaine dans le 5 à 7 avec un petit passage en cuisine avec Candice Cotter. Bonjour Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir tout le monde. J'ai envie de vous parler d'un truc génialissime ce soir. Est-ce que les femmes qui nous écoutent connaissent, peut-être qu'elles connaissent, le principe de la Birchbox ou de la Dutybox? Ça vous dit quelque chose, vous, en tant qu'homme? Non, parce que j'allais dire, vous demandez aux femmes et après vous me demandez si moi je connais. On ne sait jamais que vous soyez un homme de qualité qui suit une femme qui a ce genre d'abonnement. Écoutez, je ne suis pas un homme de qualité, alors. Non, ça fait mal. La Birchbox ou la Dutybox, c'est une petite boîte qui contient des produits de beauté en format de voyage à laquelle on s'abonne et vous recevez mensuellement ce colis surprise. Le principe s'étend maintenant à la gastronomie. Donc ce soir, je vous propose de découvrir la bonne box. La bonne box, c'est simple. Vous vous abonnez. Donc vous allez sur leur site internet ou par téléphone, peu importe, sur le site de la bonne box. Vous recevez tous les mois à votre porte un colis qui contient entre 5 à 7 produits de belles épiceries, d'épiceries fines. Ça vous permet de tester de nouvelles choses, d'une part, des produits auxquels vous n'auriez pas eu franchement accès autrement, parce qu'on ne va pas tous d'un coup avoir la lubie d'aller jusque dans une épicerie fine, chercher 3-4 trucs. Donc non, c'est vraiment des trucs qu'on n'aurait pas autrement. Et vous recevez tout, et vous avez plein de nouvelles saveurs, etc. Et vous recevez dans votre boîte des fiches recettes pour vous aiguiller sur la manière d'utiliser éventuellement différents produits si vous n'avez pas envie de chercher sur le net. Donc c'est assez bien ficelé. Ça agrémente vos repas, ça agrémente vos placards quand ce sont des épices spéciales par exemple. En vous abonnant, vous choisissez soit un seul colis, un one shot pour tenter le coup, c'est comme pour les box beauté, ou des abonnements de 3, 6, 12 mois de colis. Vous donnez un numéro de carte de crédit et votre carte est débitée automatiquement, mensuellement. C'est français, la bonne box, mais ça livre en Belgique et ils sont assez raisonnables au niveau du prix. Le colis plus les frais de port tout compris, donc les produits plus le colis, frais de port compris, c'est 31€. 31€ mensuellement, c'est un mauvais supermarché qu'on ferait en vitesse un soir entre 19 et 20h quand on a envie de pas grand chose. Mais est-ce qu'on a vraiment quelque chose de bien à ce prix-là? Eh bien écoutez, dans la box du mois d'août, qui est la dernière qui est sur leur site internet, celle de septembre est encore en cours, donc elle n'est pas encore affichée. Dans la box du mois d'août, vous aviez du thé glacé au melon, la marque Les Jardins de l'Ermitage, c'est une superbe marque artisanale. Ouais. Vous aviez une préparation pour cannelé avec un moule à cannelé en silicone offert. D'accord. Donc vous aviez un moule grand format, les six cannelés. Vous aviez de la fleur de sel de Guérande au thym. Vous aviez une sauce béarnaise au piment d'Espelette. Vous aviez des petites rillettes de tourteau. Donc vous aviez franchement un assortiment assez copieux, j'ai envie de dire. Et tous les produits sont majoritairement issus de petits producteurs qui sont triés sur le volet pour tout ce qui est saveur, qualité, artisanat en tête, originalité. Donc vous êtes sûr d'avoir chaque fois un truc qui est quand même assez bien fait. Je vous invite à aller voir ça. C'est un très chouette cadeau aussi. On peut le faire en carte cadeau. Si c'est un message, oui, c'est un message. Donc en gros, labonnebox.com, vous pouvez aller acheter une carte cadeau pour quelqu'un que vous aimez vraiment du plus profond de votre cœur et offrir 3 mois d'abonnement ou 6 mois d'abonnement ou 1 an d'abonnement. Offrez-lui du sel de Guérande, ça lui fera plaisir. C'est non, ça là, au final. Non, là, sur ce coup-là, vous êtes de nouveau l'homme qui ne connaissait pas la Birchbox et qui n'était pas un homme de qualité. C'est ça, c'est ça. Non, là, vous devez ça répondre. Se confirme. Ah oui, 12 mois d'abonnement pour ma femme, bonne idée. 12 fois 31. Sur le coup, ça fait mal quand même quand on y réfléchit. Hein. Ok, 3 mois d'abonnement pour ma femme, bonne idée. 3 mois, ça passe. Ah, et 3 mois, ça passe. Ne me remerciez pas. Bon, ben merci pour ce bon plan qui va donc nous coûter de l'argent. Et on vous retrouve demain dans Cuisine demain matin et puis lundi dans le 5 à 7. On fait ça, bon week-end tout le monde. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Été 1917, les Allemands réquisitionnent tous les cuivres pour en faire des munitions. Im Namen des Kaisers, ces cuves sont confisquées. Pour ne rien céder à l'ennemi, Clovis Dubuisson décide de détruire les cuves en cuivre de sa brasserie. Mes cuves, elles sont faites pour brasser de la bière, pas pour armer les manches. Les cuves seront découpées et jetées dans l'étang afin d'être hors de portée de l'occupant. Une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Mais ouais. Le salon de l'alimentation, tu connais, hein? Bon, bah ouais, j'ai mangé du homard, mais bon, hein, et pas cher. Et un couscous, mon ami. Et les meilleures frites du monde aussi, et hein? Tous ces pays qui présentent tous ces ustensiles. Ça, j'adore. Un marché couvert, mais en mieux. Et pour le doublon, tu peux tester plus que 250 bières. 250, oui, ça c'est beaucoup pour moi, hein. Oui, mais tu rentres en métro, hein? Ah ouais, ouais. Mais le salon de l'alimentation, ouais. Même si tu passes beaucoup de temps, c'est tellement bon que tu trouveras jamais salon. Le salon de l'alimentation à Bruxelles Expo du 15 au 23 octobre. Avec Sud Presse. C'est magique! Réalise une fresque géante sur le thème d'Halloween et emmène toute ta classe et tes profs 3 jours en voyage scolaire à Disneyland Paris. Tu découpes, tu colles, tu dessines, tu fais ce que tu veux et tu pars quand tu veux. Info dans la DH chaque jour du 10 au 22 octobre. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Wavre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. Avec Voltis, j'assure le confort et la sécurité de toute ma famille. Voltis, des conseils éclairés, des idées lumineuses. Du jeudi 13 au dimanche 16 octobre, portes ouvertes de folie à Louvain-la-Neuve. 20% de remise sur tout. Oui, vous avez bien entendu. Surtout pendant ces 4 jours complètement fous. Voltis, à Louvain-la-Neuve, National 4. Voltis, c'est vous qui voyez! Découvrez nos offres complètement folles sur www.voltis.be. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Ever et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Et ça continue encore et encore. Tous les vice-premiers ministres sont réunis avec Charles Michel au 16 rue de la Loi. L'objectif, c'est bien d'aboutir à un accord global sur les budgets et sur les réformes. Toutes les propositions des partis qui composent la majorité fédérale sont examinées. On n'en sait pas plus pour le moment. L'Europe leur a donné 2 jours de plus pour aboutir sur la copie budgétaire. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement, lors de l'effondrement d'un chapiteau à Ajaccio, en Corse. Un vent très violent a emporté le chapiteau sous lequel se déroulait un spectacle devant près de 350 enfants sur une place de la ville. Météo France évoque une tornade subite avec un vent violent et des pointes à 100 km/h et des averses de pluie et de grêle. Le sud-est de la France s'est frappé depuis hier par de fortes pluies et par précaution, les écoliers avaient d'ailleurs été invités à rester chez eux autour de Montpellier. Et puis l'univers compte 10 fois plus de galaxies que ne le pensaient les scientifiques. 2000 milliards en fait. C'est en tout cas ce qu'estime une équipe internationale d'astronomes dans une étude publiée hier. De quoi leur donner du travail en plus pour les prochaines années. On vous dira pourquoi cette différence de chiffres tout à l'heure à 19h. Eh ben alors on sera là tout à l'heure à 19h pour le savoir. Merci Natacha. J'espère que vous serez là. Eh bien sûr. Dites, je vous ai vu sur une grande affiche en venant. C'est vrai? Ouais, je me suis dit, c'est le gars que je vais voir. Ouais, et alors est-ce que vous reconnaissez? Bah, je vous ai reconnu quand même, je vous vois là. Je, non, parce que là, il y a du maquillage et il y a du Photoshop. Hein, pour oui, mais j'étais en voiture, j'ai pas freiné, j'ai pas. Ça. Vous voyez, je me suis parce dit, moi, c'est le gars que je vais voir maintenant. Là. Voilà, et ça vous a fait un truc? Bah oui, vous pouvez me faire un autographe parce que je vous en avais jamais demandé. Là, là, là, là, et maintenant, là, vous êtes sur des grandes affiches. Ah, c'est dingue, hein. Ouais. Ça fait bizarre quand même. Ça fait, c'est spécial. Merci Natacha, je vous souhaite une bonne soirée. Mais merci Monsieur Lastat. Va falloir arrêter ça tout de suite, hein. Voilà, que les choses soient claires. On ne choisit pas, pour tout vous dire, pour vous donner les coulisses de cette radio. Il est 18h33, un petit coup d'œil à la météo, il devrait pleuvoir légèrement la nuit de vendredi à samedi. On parle de 3 à 5 litres d'eau par mètre carré, donc ça c'est pour cette nuit. Les minima resteront compris entre 8 et 10 degrés. Cette zone de pluie pourrait encore un petit peu traîner samedi matin, et puis il fera à nouveau sec l'après-midi. Le vent passe au sud et on notera donc des maxima de 11 à localement 16 degrés. Et puis pour dimanche, beau temps, ensoleillé, doux et des températures qui monteront jusque 20 degrés. C'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule ce soir, Fanny Gillard? Pas très très très bien. On avait tout à l'heure un accident à hauteur de Fernelmont sur le 42. C'est fini pour cet accident, mais toujours des ralentissements à hauteur de Dossou. Des files à partir de Templou. Vous perdez 55 minutes en direction de Liège. Sachez aussi qu'il y a en plus un camion en panne à hauteur des mines. Fuite de gaz. On est cette fois à Braine-l'Alleud. Ça se passe sur la chaussée d'Alzenberg qui est fermée carrément entre le rond-point avec la chaussée de Tubize et la rue Rombaud. Gros embarras de circulation là aussi. Pour ce qui est de la capitale, ça va nettement mieux. Ça coince encore du tunnel Louise au tunnel Léopold II vers la Basilique. On a toujours des soucis en circulation intérieure à l'entrée du tunnel des Quatre Bras de Tervuren avec la bande de droite qui est neutralisée vers Waterloo. Le ring coince légèrement. Circulation extérieure Zaventem Grand Bigard 20 minutes perdues. Intérieure Zaventem Léonard 20 minutes aussi. Et puis pour quitter la capitale, vous perdrez un petit peu de temps sur le 314 vers Lumen et sur le 429 vers Tournai. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. I accept your nomination for the presidency of the United States. La course à la Maison Blanche. Dans cette course à la Maison Blanche, il y a 3 candidats. Nous avons Catherine, Sébastien et Thomas. C'est aujourd'hui Catherine qu'on retrouve en direct des États-Unis. Bonjour Catherine. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors j'ai vu sur rtbf.be/maison-blanche votre sac à dos posé sous, sous un portrait, sous la photo du couple royal avec le drapeau des États-Unis à côté. Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Oui, voilà, je suis arrivée à Chicago, figurez-vous que j'ai été accueillie pour le premier jour chez le consul honoraire de Belgique à Chicago, rien que ça. Ça va, et, ça et d'où la photo, voilà, voilà, exactement. On a des contacts. Et donc, c'était très sympa. J'ai fait aller mes contacts, effectivement, et ça a fonctionné. Donc voilà, c'était super sympa de rencontrer cette personne. C'était un peu Little Belgium, hein, là-bas, pour un jour, donc un consul honoraire qui voyage beaucoup évidemment et avait un tas d'anecdotes de consuls à me raconter. Bref, c'était très inspirant. Sa maison est truffée de déco noir, jaune, rouge évidemment. Ouais. Donc ça faisait un peu du bien de se retrouver, de retrouver un petit bout de chez nous par ici, voilà. Et ça veut dire que vous avez pu parler français en fait aussi. Ah bêtement. Oui, aussi. C'est vrai que ça fait du bien, ça aussi. J'avoue, parce que mine de rien, c'est assez fatigant de devoir toujours parler dans une autre langue. Hein. C'est clair que ça fait partie de la fatigue qu'on commence à accumuler, je dois bien ce vous l'avouer. Ce qui me fait penser à un truc, Catherine, c'est que depuis que vous êtes partie, on ne vous a pas encore entendu parler anglais. Oh non, really? Do you want me to speak English with you, Cyril? We can have a small talk if you want. Voilà, j'ai l'impression déjà d'y être, c'est sympa. Alors, voilà. Le Midwest, depuis que vous y êtes arrivé, c'est comment? Vous êtes un peu sorti ou pas? Oui, bah écoutez, un peu à peine parce que je vous disais, on est pas mal enfermés entre guillemets dans nos hôtels pour le moment, les deux autres aussi, pour avancer un max sur nos missions, nos défis et mots-clés. Évidemment, ça prend du temps tout ça à mettre en forme, en article, en vidéo, etc. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu frustrant à Minneapolis. Donc, première étape de ce tronçon dans le Midwest, j'ai surtout vu le campus universitaire en fait, vu que c'est là que j'étais logée, un campus américain typique. Hein, avec des facs, des confréries, tout ça, mais rien d'autre parce que vraiment j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Je suis restée là deux nuits et j'étais déjà en route pour Chicago. Ici je me pose un peu plus longtemps, je bosse encore un peu aujourd'hui, mais je compte bien aller profiter de la ville cet après-midi. Il y a un beau soleil d'automne ici, je vois un des plus hauts buildings de cette superbe skyline de Chicago d'ici où je suis. Et c'est, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je compte bien y remédier cet après-midi. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, vous n'êtes absolument pas en vacances là-bas, Catherine. Non, tout au long de la journée, vous faites plein de choses. Alors, vous avez mais fait, je peux vous le confirmer. Depuis le début de l'aventure, on peut suivre tout ça sur la page Facebook, la course à la Maison Blanche et rtbf.be/la Maison Blanche. Vous avez fait donc 38 rencontres, il y a un compteur. Vous avez bu 23 cafés. Et alors, vous avez 69 heures de sommeil. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure. Vous êtes à peine 5 heures, mais au grand maximum de sommeil par nuit. C'est pas beaucoup, Catherine, faites attention. Non, c'est clair. C'est en moyenne 5-6 heures par nuit. Je peux ajouter qu'on mange à peine réellement attablé une fois par jour. Hein. C'est vraiment une course et comme je vous le disais, la fatigue commence tout doucement à se faire sentir. On a tout doucement en hâte, envie de se retrouver à Washington avec les deux autres pour partager tout ça. Ouais. Ça, ce sera pour fin de la semaine prochaine. Là, ouais, vous, encore une semaine à tenir. Vous restez encore un petit peu donc, dans le Midwest et après, c'est quoi la prochaine étape ? Oui, voilà, la prochaine étape, c'est Détroit, hein, la ville industrielle. Là, c'est la capitale américaine de l'automobile, là-bas, qui a fait faillite, mais qui est en train de renaître. Ah oui, avec des immenses bâtiments vides, là-bas. Hein. Voilà, exactement, j'irai voir tout ça. Je suis désolée si vous entendez un petit bruit d'aspirateur, c'est la femme de chambre qui est en train de passer dans les couloirs. Ça doit se faire. Je suis ici dans un hostel, bah oui, voilà, comme ça, vous voyez, c'est du direct, c'était pas prévu, mais voilà, elle s'éloigne un peu. Et donc, voilà, prochaine étape, Détroit. Eh ben, c'est là-bas qu'il y a des maisons pour quelques dollars, non ? Oui, tout à fait. Écoutez, je vais découvrir tout ça, je suis fort curieuse. Je devrais y rester 2-3 jours aussi parce que je pense qu'il va y avoir des choses à faire. Eh ben, on vous retrouvera là-bas dans quelques jours. Alors, merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée. Enfin, et bonne journée, puisque aux États-Unis, il y a le décalage horaire. Oui, merci, il va être midi seulement ici. Eh ben, bon appétit. Voilà. Il est 18h39, il est l'heure de retrouver Marc Toesca, c'est l'histoire de Voït. Et pour retrouver les aventures de Catherine dans cette course à la Maison Blanche, rendez-vous sur rtbf.be/Maison Blanche ou la page Facebook, la course à la Maison Blanche. Il y a plein de vidéos, plein de photos, vous allez découvrir ce beau voyage, cette belle aventure. Voici donc tout de suite Marc Toesca. Pop Story. Marc Toesca. Aujourd'hui, nous vous proposons un Pop Story spécial chansons d'amour. Ou plutôt, quelles sont les chansons que les publics anglais, américains et nous-mêmes avons classées en tête des plus sentimentales. Aux États-Unis, on a ressorti Payette, Strass et Micro qui scintillent avec Endless Love, l'amour sans fin, interprété par le duo star et glamour à la fois, Diana Ross et Lionel Richie. La chanson est un tsunami de guimauve et de sucre et ça roucoule à tout va. Les Américains adorent. Ce n'est une surprise pour personne, les Anglais se revendiquent un poil plus rock'n'roll. Depuis quelques années déjà, c'est Something que l'on retrouve dans l'album Abbey Road des Beatles qui revient en tête des suffrages. Pour la petite histoire, Something est une des rares chansons des quatre de Liverpool à ne pas être signée de Lennon et McCartney mais de George Harrison. Une chanson dédiée à son épouse de l'époque, le mannequin Patty Boyd. De ce côté de la Manche, nous classerons hors concours l'hymne à l'amour qu'Édith Piaf écrit à la mort de son amant Marcel Cerdan, c'était en 1949. Depuis, sur le vieux continent, elle est la chanson préférée des amoureux et des cœurs tendres. Là, tout de suite, je vous demande quelle est votre chanson d'amour préférée, vous me répondez ? Marc. Cette question a été posée à un panel représentatif de la population, pour employer un terme technique, et parmi les plus cités, on retrouve entre autres « Aimer à perdre la raison » de Jean Ferrat, « Que je t'aime » de Johnny ou « Savoir aimer » de Florent Pagny. Mais depuis près de 40 ans, c'est « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel qui rafle tout sur son passage. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.

Le samedi, le dimanche, on fait un tour dans la famille, on a des activités le week-end, on va déposer les enfants pour faire un petit peu de sport. Et à 18h30, tout s'arrête le samedi pour regarder C'est à la Une, sur la Une, à la télé, avec François Mazur. Bonsoir François. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. C'est bien vendu, hein? Ah super, on peut pas mieux faire. Il y a quoi au programme de C'est à la Une ce week-end? Alors au programme de C'est à la Une, il y a notamment un reportage incroyable sur le premier village anti-ondes d'Europe. C'est-à-dire? Je vous explique ce que c'est. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent des ondes électromagnétiques, les GSM, les micro-ondes, les lignes à haute tension. On a parfois du mal à savoir si c'est vraiment dangereux, s'il faut se protéger. Et souvent, il faut bien le dire, on fait un peu avec. Eh bien, figurez-vous que certaines personnes ont décidé d'agir et de fuir totalement toutes les sources d'ondes électromagnétiques. Et je vous emmène cette semaine dans le sud-est de la France à la rencontre de ce fameux village sans ondes, un village secret où viennent se réfugier des personnes qui se disent électrosensibles, à savoir, ils ont des troubles physiques plus ou moins graves à cause précisément de ces fameuses ondes. Mmh. Et sur place, forcément, les GSM sont interdits. D'ailleurs, il n'y a pas de réseau cellulaire, pas de Wi-Fi forcément. Et tout est prévu sur place pour bannir les ondes, à commencer par d'étranges caravanes qui semblent sorties tout droit d'un film de science-fiction. Vous allez entendre tout de suite Serge. Il nous fait la visite de ces drôles de camping-cars recouverts d'aluminium. Ça, c'est une caravane prototype de présentation, 100% cage de Faraday. Elle est traitée, bon, c'est toujours pareil, c'est poussé à l'extrême. Mais quand même, une personne qui dort là-dedans, qui arrive fatiguée, une nuit là-dedans, c'est vraiment formidable. Alors donc, on retrouve le métal. Il y a ici, vous avez des protections à 12 couches en plus du métal. Ah oui, quand même. Vous imagineriez, vous, passer un moment là-dedans, François? Bah écoutez, je serais curieux de le tester pour voir si ça fonctionne vraiment. Alors, je vous le dis, ça, c'est pour la partie soft, hein, cette caravane. Sur place, il y avait vraiment des anti-ondes complètement radicaux. Une dame qui portait sur sa tête une espèce de voile métallique. Ça lui donnait des airs, d'ailleurs, d'apicultrice. Ouais. Je vous présente tout de suite Isabelle, mère de famille. Alors ce voile, eh bien, c'est un tissu de blindage anti-ondes. C'est un maillage de fil métallique, c'est du fil d'argent et de cuivre, qui est comme une côte de maille très fine. Le maillage fait 0,6 mm de côté et ça empêche le passage des ondes. Alors Cyril, est-ce que ça marche vraiment ou est-ce surtout psychologique, ce que moi je présumais un peu? Ouais. Toujours est-il que tous ont prétendu dès leur arrivée que leur migraine disparaissait. Alors je vous promets, c'est un village et des personnages hauts en couleur à découvrir donc demain dans C'est à la Une. Eh ben, j'ai hâte de voir ça demain, je serai devant ma télé comme vous toutes et vous tous, je l'espère. Il y aura un portrait aussi demain. Oui, le portrait de Jean Dujardin, il nous a fait le plaisir de jouer le jeu de l'instantané. Il y aura aussi, tiens, Gilles Le Suisse, il s'est rendu cette semaine à l'ouverture de la chasse, ça c'est vraiment une séquence aussi à ne pas manquer. Et ça va, il va bien? S'il vous plaît. Il va bien, il en est revenu. Il va très bien, il est revenu en un seul morceau. C'est bien, c'est bien. Mais c'est il a quand même eu des émotions fortes en voyant une petite biche, malheureusement. Voilà. Vous verrez la suite demain. D'accord, on regardera. Et alors, vous êtes allé aussi dans les coulisses d'un cirque que tout le monde connaît. Oui, les coulisses du cirque Bouglione, qui a ouvert ses portes cette semaine pour la nouvelle saison. Écoutez, entre la joie et parfois, il faut bien le dire, un peu de tristesse aussi, parce que c'est de plus en plus difficile pour le cirque de fonctionner, hein, dans ce monde, justement, où on est dans les réseaux sociaux, où les gens sortent moins, ou quand ils sortent, c'est pour voir vraiment des attractions très impressionnantes. Il faut bien dire que le cirque est parfois, pour certains, un peu désuet. Donc c'est les coulisses tout en réalité de ce cirque Bouglione. Un beau reportage également. Et alors une rencontre aussi demain. Alors la rencontre avec une dame qui est vraiment exceptionnelle. C'est une personne qui est malentendante et qui elle-même ne sait pas s'exprimer, mais qui a décidé malgré tout, avec tout son courage, de devenir institutrice maternelle dans l'enseignement classique. Et donc c'est une certaine Margot qui fait vraiment de gros efforts et qui nous montre son parcours pour parvenir, malgré son handicap, à vivre une vie presque comme tout le monde. Eh ben on suivra ça demain, le rendez-vous est pris. 18h30 sur la Une. Merci François beaucoup. Et bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Il est l'heure de retrouver tout de suite les meilleurs moments des enfants de cœur. Vous savez que tous les soirs, dans le 5 à 7, bah avant de laisser la place au tip-top, on réécoute des moments qui vous ont bien fait rire. Christophe Bourdon parlait des échos de Momeni dans les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Ça va. Vous. Impossible de le réveiller, hein. Tu vas tout en passer toute notre vie ici, hein. Mominien, Mominienne, je vais être franc avec vous, je ne connaissais pas Momini. Certes, Jean-Jacques m'a bien dit, tu verras Christophe, c'est dans le trou de cul du monde. Enfin, si je vous avoue, je connaissais un peu Momini, mais uniquement au cinéma, puisque j'avais évidemment vu tous les films de la série, hein. La Momini, le retour de la Momini, la revanche de la Momini.

Le papier, c'était la réponse A. La réponse A, eh bien, grâce à la coopération belge au développement, dans le cadre de la semaine du commerce équitable, vous repartez avec des boucles d'oreilles en or équitable d'une valeur de 650 euros. Oh, bravo! Ah ouais, là, merci, c'est fort. Merci beaucoup. Bravo. Bah là, Fabienne, ça, c'est joli, pas mal. Hein. Vous allez pouvoir en profiter puisque votre mari ne vous offre pas de bijoux, c'est ça? Oui, c'est lui, hein. Non, plus maintenant, on ne va pas en parler. Bah, non, voilà. Bonne soirée Fabienne, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, passez une bonne soirée Olivier. Bah, ça va aller, hein, un petit peu de foot des 20h. Victoire de Charleroi ce soir. Bah, certainement, je le sens. Certainement. Et puis la quotidienne du Tip Top avant, vous êtes preneur Cyril? Bah, bien sûr. Très bien, il y a le numéro 1 qui sera là dans quelques instants. C'est bah, on dit momi, mom, on ne sait pas trop. Ah, mom, c'est bien ça. Oui, c'est Aloha. Aloha. Bah, Aloha. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Z. Prolongation de l'action dans nos 5 showrooms. Jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 18 octobre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Chérie, en 10 lettres, expérience mode unique à proximité. En 10 lettres? Facile, point carré. Les meilleures marques sélectionnées pour nous. Un service personnalisé et le meilleur rapport qualité-prix. Bon, eh ben allons vivre une expérience unique chez Poincaré. Plus d'infos sur poincaré.eu. Découvrons avec Stéphane Bern l'histoire de la bière Bûche. Une bière qui contient les secrets de 8 générations de brasseurs. Mai 1765, l'impératrice Marie-Thérèse décrète le démantèlement de toutes les brasseries seigneuriales pour une ville à faire de privilèges. Joseph Dubuisson, brasseur pour le seigneur, perd son moyen de subsistance. Impératrice ou pas, nous les petits, on brassera. Joseph fait un pied de nez à l'autorité et construit une brasserie à la limite des terres seigneuriales, juste en face de l'ancienne. Oh, une famille d'aussi forte tête ne pouvait faire que de la Bûche. Bûche, on sait d'où vient son caractère. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Avec Touring, plus rien ne vous arrête. Prenez maintenant un an d'assistance dépannage Touring et recevez 2 mois gratuits. Infos et conditions sur touring.be. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. Syndicats et associations se félicitent du rejet par la Wallonie du CETA, le traité commercial entre l'Union européenne et le Canada. Pour la CNE, le monde politique défend les emplois et protège un modèle de société dans lequel les droits des personnes priment sur le droit des entreprises. C'est un choix courageux pour le CNCD 11-11-11. Greenpeace s'est elle aussi réjouie de l'attitude wallonne. L'opposition amère favorable au CETA a, elle, dénoncé un repli sur nous-mêmes et un isolement économique et diplomatique. Les ministres européens devaient théoriquement se retrouver mardi à Luxembourg pour signer ce traité. Avec le nom wallon, il ne pourra pas l'être. La réunion, toujours en cours au 16 rue de la Loi, depuis 11h, Charles Michel et ses vice-premiers ministres continuent les négociations budgétaires qui étaient dans l'impasse depuis le